Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh oui, bonjour, bonsoir. Eh, c'était un bruit de voiture ou quoi? Oui. Oh, dans l'actu. Répète, il est dans l'actu. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast pour cette saison 9, Adrien. Oh là là, 9 ans. Il y a 9 ans, t'imagines? On entre en CM, j'ai pu. CM1. CM1. CM1. CM1, sublime. Et pour cette nouvelle saison, nous avons deux invités pour lesquels je vous propose un petit jingle. Los Kids. Voiture, course, embrayage, YouTube, vitesse, hip-hop, ciné, Grenoble, album, le plan, patio, Nément, oui. Théo, Juice, MC, Walter, Flambeau, les Jones, Mister V, Sub 30, Sub 15, pain au, sésame, crispy, oignon. Let's go. Ces deux mecs kiffent le Subway. Ils pissent sur la brioche dorée. Oui. Chez Paul, ils n'y vont que pour chier. Pour chier. Ce sont deux invités. Ouais. Oui. Bravo. C'est Mister V et Théo Juice, bien sûr. Bravo, voilà. Incroyable. Ça merci va les gars beaucoup. Bah écoute, ça va. Très, pourquoi très tu veux pas réaliser mon film? J'étais pris sur d'autres choses, Nick. J'étais pris sur d'autres choses. Mais ce que j'ai lu est très très drôle. Mais tu donnes des petits insides, celui-là. Hein? Tu donnes des petits insides au monde. Non, mais c'est juste pour mettre tout de suite un petit malaise. Une ambiance. Je voulais oh, il y a peut-être. Ouais, il y a eu d'autres malaises avant. Oh, je chute. Donc, oui, vous nous revenez tout droit du GP Explorer 2. Tout à fait. C'est ça, GP 2. J'ai absolument pas regardé tel que vous me voyez parce que j'étais dans l'avion. Bah oui, mais vrai. Apparemment, vous avez fait une très belle course. Bah, en vrai, on s'est surpassé. Enfin, on a au moins fini la course. C'est déjà c'est bien. C'était l'objectif. T'as spiné, toi, à un moment. J'ai spiné. Vraiment, j'ai vraiment ri parce qu'on voit ta vidéo du cockpit et on voit faire un geste de la main, genre. Oh, ouais, merde. Ah bah, le papa, quoi. Mais merde. T'as spiné dans la course? Non, c'était pendant les essais. Pendant les essais, Et c'est libre. Okay. Et le matin. Et bah, un peu en même temps, même session que toi. Okay. Et en fait, bah, c'est parce que t'es vraiment dégoûté. Et surtout, en fait, le jour J, tu oublies tous tes repères, tout ce que t'as appris. Tu l'oublies un peu par stress. Ouais. Et donc, du coup, tu te dis, oulala, je vais finir dans le bac, là, ça va mal finir. Oui, les essais libres, c'était pas facile. Ouais. Et au final, on a terminé la course, donc ça pour nous c'était vraiment une victoire parce que vraiment tout le monde, il y avait des pronostics sur Twitter de ouais, au premier virage ou au second virage, Mister V crash. Enfin, vraiment, c'était. Il pariait sur ça. Quand c'est qu'on allait se boiter quoi. Donc au final, on a. On a fini la course, on a gagné des places. Et on a gagné des places et on a été. Franchement. Ouais, franchement. En vrai, je pensais que ça allait être. Plus, enfin, je pensais pas terminer 12e sur 24, donc ça fait plaisir, même si, oui. malgré que ça a été fait aux dépens de d'autres comment dire, participants qui ont dû sortir de la course, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le jeu, c'est le jeu. Hein. C'est vrai. C'est, l'entraînement, c'était comment, Théo, toi? Parce que c'était complètement nouveau. Je me suis entraîné très tard, moi. Oui, c'est J'ai commencé à m'entraîner il y a à peine un mois. Donc c'était très, ouais. très intense, ouais. mais c'était très cool. Ouais. On avait des instructeurs qui étaient vraiment. Au petit soin avec nous. Et c'était très très intense, donc on a pu progresser assez vite en réalité. Il n'y a pas un côté retour à l'école? Moi j'aurais trop peur que ce si, soit. Si, non, si, y a si, un petit peu, mais avec des trucs un peu plus sympas que ce qu'on oui. fait à l'école. Oui, tout d'accord. à l'école avec voilà. Sosomanes, SCH, ça va. C'est cool, ça comme se marre, et comme puis, retour tu à l'école. Des trucs qui vont très vite et tout. Donc c'est. Non, il c'est, y a ce côté retour à l'école, mais qui fait plaisir. Et après, c'est vrai que la différence de niveau entre moi et ceux qui se sont entraînés 4 ou 5 fois, ouais. elle se ressent un petit peu à la fin. Elle se ressent dans la course. Mais c'était trop bien. Bon, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est quand même le Floodcast. Et qui dit Floodcast dit le jeu du Floodcast. On oh, ne change, oui. pas, on oui. change pas les bonnes habitudes. C'est vrai qu'on n'a jamais écouté l'émission, c'est faux. Il a écouté chaque podcast 3 fois. J'ai toutes les refs. M'entendez? C'était les vacances. Est-ce que déjà vous avez passé de bonnes vacances? Adrien, t'as fait quoi de tes vacances? Moi, je suis allé chez ma sœur deux semaines. Sud. Oui. Sympa. C'était sympa. Avec ton petit camion? Non, j'ai pas pris le camtar, tout simplement parce que déjà, il ne démarrait pas. Donc, c'était un peu. Excuse-moi. à chaque fois que tu parles de ce camion, il est pas vraiment en vie. Parce que je le conduis une fois par an et comme je suis nul, la batterie se décharge en fait pendant l'année. Et après, quand je veux le conduire, je fais bah non. Ça se décharge comme ça sans l'utiliser. Bah c'est ça, une batterie. En fait, normalement, il faudrait que je débranche, mais j'y connais rien quoi. Normalement, il faudrait que je débranche la batterie, du coup, elle se décharge pas. Et je le fais pas et du coup, il se décharge. Non, et en vrai, c'était plus relou de prendre la bagnole pour plein de raisons. Du coup, j'ai pris le train. Puis le sud, c'est là loin surtout. Non, c'était sympa. Et après, je suis revenu à Paris en août et c'était bien aussi d'être. Ah déjà, oui, parce que, c'est vrai que oui. Quand on est chez ma sœur, on est genre une dizaine. Donc c'est sympa de revoir tout le monde. Et au bout d'un moment, il y a un peu un truc où il y a trop de monde. Que les gens que j'aime le plus au monde pourtant. Mais au bout d'un moment, il y a un peu un sentiment d'inertie. Est-ce que tu pourrais donner la durée de ce moment juste à peu près? Trois heures. Non, pas du tout. Mais au bout d'un moment, t'es content aussi d'être posé chez toi, d'avoir tes petites habitudes et tout. Et Paris en août, c'est trop bien. Il y a personne. C'est pas mal, ouais. C'est vrai qu'au final, ouais, il y a moins de monde. Il faisait... beau, il faisait, ah, si, il faisait beau, mais il faisait beau, mais il faisait pas en fait, moins ignoble que là en ce moment là. Ça s'est fait en deux temps, c'est-à-dire qu'à un moment tout le monde disait bon, il fait que pleuvoir, qu'est-ce que c'est cet été, et en une semaine nous brûlons sur place et nous prenons feu. Mais c'était pas mal en fait, Paris en août là. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Un régal. Moi j'ai un très bon souvenir de Paris en août. Ouais, j'allais beaucoup au ciné et il y avait vraiment jamais personne quoi. C'était vraiment la petite clim. Même si des fois les ses souvenirs, c'est le ciné. Le mec il adore ça. C'est ça. Oui, t'es un fan de ça. Oppenheimer un peu long, non? Dans ta gueule, le cinéma. Bam, moi je suis allé le voir et je trouvais que il y avait trop de mots compliqués. Mais est-ce que t'as vu l'analyse? Mais est-ce que t'as vu le TikTok du mec qui a pété au moment? Oh là là, c'est un chef-d'œuvre. C'est incroyable. C'est un mec qui a filmé dans le cinéma et juste au moment où la bombe explose, il a pété dans la salle de cinéma. Ouais. Parce qu'il faut dire que la bombe explose en silence. C'est ça. Oui, le mec il a pété et c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que c'est incroyable. Pour moi, le film peut pas être mieux que ça. Et surtout, t'imagines si le mec est dans le ciné, il pète et d'un coup il chie dans le froc. Gravis mature, moi, Théo, là, c'est tellement bizarre de faire ça, quoi. C'est vraiment une réflexion de mec immature, t'as quel âge, mec? Abusé. Non, moi, cet été, j'étais en France, j'ai pas bougé spécialement. Et vous? Et ben alors, parlons vacances, parlons avion. Regarde-le, là. Une compagnie aérienne turque propose un service tout nouveau pour ses voyageurs, à votre avis, lequel? De faire taire les enfants. Alors, oh là là. T'es à ça. Oh, wow. J'ai pas perdu la main. Une section en particulier pour les enfants. Alors, c'est quasiment ça. T'es une garderie. Non, en fait, c'est un avion où les enfants sont en soute. un avion où les enfants sont interdits. Ah. Une compagnie d'aviation turque vient d'avoir cette idée. Elle va mettre en place dans ses avions des zones interdites aux enfants pour permettre aux passagers qui le veulent d'avoir un vol plus calme. On parle d'enfants de jusqu'à quel âge? Alors, c'est justement la zone adulte seulement est autorisée dès l'âge de 16 ans. Donc c'est oui, donc ah ouais, donc c'est vraiment très large. Même pas les bébés, c'est vraiment ouais, parce que 15 ans tu pleures pas dans ta couche normalement. C'est fou. Oui, mais tu peux dire quoi coubé. c'est vrai que ça leur arrive. C'est vrai. Ou swag. Des fois il dit swag, mate mon swag. Oh, je suis choc-bar ou quoi? Oh là là. Choc-bar de BZ en fait. Il arrête pas de daber, ça me dérange dans mon voyage. Excusez-moi, Stewart, il n'arrête pas de daber. Bah, vous avez une section. Ah bah merci, j'ai bien fait de payer plus cher. Comment vous êtes-vous dans les transports en commun avec ça, avec les enfants, les gens qui font du bruit, genre dans le train? Moi, je me souviens d'un voyage avec Adrien, parce qu'Adrien et moi. Alors Adrien, il a plus de courage que moi, parce que moi, je suis très lâche. Bon. Et quand il y a quelqu'un, tu dois être vraiment lâche parce que bah, tu vas voir. Écoute bien l'anecdote. On était côte à côte dans le train et il y avait un gars au téléphone dans le TGV. Oh, et normalement, c'est interdit. Ah. Et moi, j'ai cette méthode où je me retourne, juste je me retourne. Et Adrien, il fait un peu la même, mais un peu plus excité. Il y a un peu plus le regard est froncé. Ah ouais, donc on reste sur un énorme lâche. Ah oui. Bah, t'es pas Jason Statham non plus. Si. Peut-être que si. Anti-Gang 2 sur Anti-Gang Disney+. Anti-Gang sur Disney+. Ah, c'est le calé. Ah bien. Ah ouais, je suis Statham. Et une princesse Disney aussi. Et non, mais il y a, toi tu fais des petits raclements de gorge, tu fais des petits. Alors de là à dire à la j'ai personne. J'ai dit moins lâche que moi. J'ai pas dit que t'étais courageux. Non, mais ça m'aurait étonné que j'ai dit un truc. Attends, il est en train d'inventer un truc. Non, ça je peux croire. Vous êtes comment? Ça va? Vous êtes assez cool? Bah les enfants, c'est pénible. Hein. Ouais. On va pas se mentir, c'est pénible d'entendre un enfant. Après, ça reste normal, donc tolérance. C'est ça, oui. Mais tu vois, moi, certaines tolérances. Depuis que j'ai un enfant. je découvre que c'est très simple de ne pas importuner les autres avec un enfant aussi. C'est-à-dire, alors oui. L'avion, c'est impossible, mais le train, il y a littéralement des zones entre les wagons où tu peux prendre l'enfant. Y a, c'est vraiment ce que je fais. Ça, en fait, c'est pas du fait de l'enfant. Je suis pas énervé contre l'enfant. Bah non, bien sûr. Les parents, vraiment les parents qui sort avec ton espèce de gosse qui braille. Théo. Et toi, Yvick, toi, tu prends plus le train, je crois. J'ai un jet qui prend le train. Mais sur le train, le jet est sur le train. Posé dessus, exactement, je respecte quand même. Oui, pour pas polluer, quoi. Exactement. J'ai une classe au-dessus. Et moi, je suis toujours armé d'un casque. La bonne base. Ouais, ouais. Avec la réduction de bruit. Ouais. Et puis, je lâche des caisses. Donc, généralement, ça compense. Pour répondre aux cris, ça. Ah, oh, c'est l'enfant là. Changez-le enfin. Il pète comme un mec de 60 ans, c'est bizarre. L'odeur, elle sent le vécu. Il a mangé un burger si viande, cet enfant. Il sent le vécu. Ah, c'est immonde. Non. Et moi, c'est plus. Du fait de la notoriété, des fois, ça peut être gênant quand t'es assis et que t'as quelqu'un plutôt qui vient pour faire une photo avec toi, alors que t'étais dans une place isolée, que t'es venu tout seul. Et que t'as des gens autour de toi qui font c'est qui des gens qui te regardent mode, excusez-moi, je vous connais pas du tout moi. C'est bien. Qu'est-ce que je fais de ça? Ça c'est incroyable. C'est incroyable. Les groupes de gens où il y a des fans et de et des fois, c'est les darons. Moi je connais pas. Hein. Ouais, moi je sais pas du tout qui vous êtes. Je sais pas du tout, mais apparemment la petite elle vous connaît. Moi je vous connais pas. Vous faites quoi? Parce qu'en vrai j'ai besoin de vous réduire pour que vu que je vous connais pas, c'est du coup vous êtes pas important quoi. C'est fou. Redescend. T'as rien demandé, mais redescends. D'accord. T'étais juste assis en train de quand faire même un prendre projet. Une photo avec toi. Oui, tout juste pour être sûr. Au cas où. Quel drame a touché l'Airbus A350 de la compagnie Delta Airline lors de son vol DL194 rejoignant Atlanta à Barcelone? Vous avez toutes les infos. Est-ce que c'est un petit peu exagéré? C'est évidemment exagéré. Oui, tempêté. C'est pas le mec. Je crois que c'est pas le mec qui avait chié justement. Une énorme diarrhée dans le. Et ça pue être la merde. Genre, déjà bienvenue les gars. Déjà, merci. Et c'est évidemment la bonne réponse. Oui, évidemment. Dans les chiottes ou énorme diarrhée. Non, non, sur le sol, même le sol. J'ai acheté les droits de cette histoire. Je l'ai adapté en long là. Chias on a plane. Pour Disney Plus aussi. Disney Plus, hein, si vous êtes chaud, on a évité. Tu veux jouer le rôle du mec? C'est le film que j'ai refusé de réaliser. Tu bosses déjà le rôle un peu ou? Ouais, je suis en prépa, Stanislavski, hein, tu connais. Plusieurs mois, on se prépare. Mais oui, l'Airbus A350 faisait route vendredi vers l'Espagne depuis les États-Unis quand il a dû faire demi-tour. Ah, carrément. La cause, un homme atteint d'une diarrhée dite explosive. Oh non. Après 2 heures de vol, le pilote a contacté les autorités dans un message sans équivoque. Nous avons un passager à bord qui a eu la diarrhée tout le long de l'avion. Nous voulons revenir à Atlanta. Il s'agit d'un risque sanitaire. Et sachez que nous avons l'audio. Alors c'est en anglais, hein. Incroyable. Mais non, ah, du. A biohazard issue. We've had a passenger had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta. Le mot diarrhée a été prononcé par un pilote. Incroyable. Jamais il se serait attendu à dire ça. Ouais, l'homme malade avait effectivement une diarrhée explosive, donc il n'a pas eu le temps d'atteindre les WC avant qu'elle ne se déclenche. Ah, du coup, ça puait trop la merde, peut-être. Bah c'est ça. C'est vraiment le couloir d'une grande partie de l'avion était donc souillé. Non seulement cela est écœurant pour les passer, mais cela pose un réel problème sanitaire. Bah voilà. Oui. Comment distribuer de la nourriture ou éviter la transmission d'un virus dans ces conditions? Putain, je me dis, je crois que c'était qu'il avait trop chié de merde et que l'avion pouvait pas, supporter autant de merde. Jeter des valises. C'est que la merde, elle est dans le corps, donc ça change rien au poids de. Oui, mais c'est pas ça, je comprenais pas. Je me dis, c'est juste un mec généré. Où il a bloqué les chiottes, il y a plusieurs chiottes. Ça aurait été un créateur de merde. Parce qu'il a chié dedans l'avion et que ça sentait trop bon. David Copperfield de la chiasse. Non, et plusieurs médias, ils ont remplacé apparemment entièrement la moquette. Nettoyé, désinfecté la paille. Et les passagers ont pu repartir une fois l'avion nettoyé, ils ont pu repartir avec 8 heures de retard. Je pense que le mec, le pauvre homme, mais est-ce qu'il n'y a pas une petite fierté quand même? Non. De se dire, j'ai détourné un avion à la force de ma chiasse. Okay. Ouais, si. Il y a un petit peu à côté, l'anecdote de soirée est folle quand même. Tu m'entends, Ben Laden? Cet été, on a vu la prolifération des IA. On peut pas passer à côté. C'est quoi le futur de la musique? Vous avez vu Drake là? Vous avez vu Drake? Non, mais Drake. Ça va pas le futur de la musique? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des. Bien sûr, avec des IA. Il y a des IA de moi sur plein de chansons. Nous, aucune. Je sais pas si j'aimerais qu'on le fasse, mais bon, les fans du Floodcast. Essayez pas des techos quoi. Je sais pas si j'aimerais qu'on le fasse, mais en même temps j'ai encore apprécié qu'il y ait une tentative quoi. Oui. Ça va, il y en a avec le joueur du grenier, peut-être faites-en avec nous quoi. Ce que bon, votre voix on l'a vraiment sur 200 podcasts, donc vraiment on peut le faire facilement et là facilement faisable. Mais ne le faites pas. Mais quand même vous auriez dû le faire. J'imagine que t'as écouté et vu que c'était bien fait toi. Des fois c'était un peu cool, mais il y en avait où c'était ça rendait pas bien. Il y avait une de On verra de Nekfeu avec ma voix. Ouais. Tu reconnais vraiment les intonations de Nekfeu, tu vois un peu moi, mais c'est vite fait. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que t'as souvent les intonations du truc d'avant. Et pas vraiment la voix de. Enfin, c'est ce mélange-là qui est assez rigolo. En fait, tu dis dans un an, deux ans, ça va être fou. Le truc est. Oui. En fait, le truc qui a été le mieux fait, c'est le gars qui a fait. Angèle. Ouais, avec Angèle, parce que le gars, il a chanté lui-même, et après, il a remplacé sa voix par celle d'Angèle. Et du coup, là, il y a un truc où. Il prend un peu déjà des intonations d'Angèle, des façons de chanter, et du coup, ça rend bien. Et ça rend vraiment bien. Et, c'est Cantelou, d'ailleurs, qui fait ça. C'est Cantelou. Angèle a détesté, d'ailleurs. C'est Cantelou qui fait toutes les IA. De manière générale, c'est lui. À chaque fois, on l'appelle. Écoutez, j'ai autre chose à faire. Je dois imiter Sarkozy en se bougeant l'épaule. Et ben donc, il y a eu effectivement beaucoup de chansons, mais récemment. Ça a touché un autre monde que le monde de la musique, c'est le monde de la comédie. Quelle vidéo a fait le tour du net ces dernières semaines? Ah, je crois que je l'ai vu. Alors peut-être garde-la sous le coude. Bah, j'ai adoré. Est-ce que c'est le truc que ton frère a partagé en oui, story? Oui, mon frère l'a partagé. Bah, la comédie, c'est un chef-d'œuvre. Stand-up. Alors d'une certaine manière. Dis-moi, tu vas passer l'extrait. Je vais passer évidemment. C'est l'extrait. La meilleure chose. C'est du deep fake ou pas? Alors c'est pas du deep fake. Non, c'est vraiment la voix. C'est avec la voix. C'est juste la voix, ok. On en a un petit peu parlé d'ailleurs. Le nom a été cité. Le nom, il y a un des deux noms. C'est la voix d'Mbappé? Non, c'est pas la voix d'Mbappé. Un des deux noms impliqués dans le truc, on l'a cité là. On vient de le citer. Angèle? Exactement. Okay. Angèle a repris un humoriste. Et je vous demande. Let's go! Oh là là, le florilège de Bigard, la plus belle. Ils ont fait avec la voix d'Angèle. C'est un chef d'œuvre. Ma vidéo préférée. Je vous propose de l'écouter. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute, elle arrive derrière, il défouraille, il lui met un doigt dans le cul et lui mord les couilles. Ah, toi! Et de bout en tisse, mais ceci, là, ça part, qu'en plein dans la chatte, là. Tu me suces ou tu veux que je t'entule, ça? Il bourre, ça? Oh, ça, là. Et c'est joué, vite. Branlette, pipe, elle se bouffe les couilles. Que le doc, enfin, je sais. Ah, voilà. Bon, si vous voulez, ça dure deux minutes. Voilà. Ah, c'est incroyable. C'est les moments où Bigard, il fait. Et là, ça fait. C'est un peu juste, hyper doux et tout. C'est une IA ce que vous allez entendre. Non mais là, non, mais le, force pas, Ivy. Tu c'est... risquerais d'être. On n'est pas dans un avion. Ouais. déconne pas. Attends. Non, c'est plus le moment de faire ça. Là. C'est terminé. C'est derrière toi. Une audace. T'as changé. On a retrouvé une autre voix de synthèse il y a quelques années. C'était enregistré sur une voiture et je vous propose de l'écouter ensemble. Bienvenue dans la panda de Ivy. Oh. Installez-vous confortablement. Veuillez attacher vos ceintures intergalactiques. Réacteur activé. Code alpha 246. Mise en route du processus de démarrage. Est-ce que tu peux nous dire ce que en c'est espérant, et Théo aussi d'ailleurs bon ce que... bah, oui. Non, c'était une. En gros, quand j'ai eu ma panda, ma Fiat Panda. Elle était tellement nulle que j'avais évidemment aucun truc technique technologique dedans. Donc j'avais fait demander à une abonnée de me faire une voix off de vaisseau, d'intelligence artificielle de vaisseau. Et donc du coup quand j'entrais dans la panda, t'avais des bruitages de Transformers justement. Et la voiture, dès que quelqu'un entrait dans la panda, c'était comme ça que je l'accueillais quoi. C'était mon seul moyen de flex un peu à l'époque. Et oui, on l'a ressorti il y a pas longtemps dans Automoto. Je l'ai vu là-dedans. On a fait Automoto, d'avoir autant de pousser la vanne aussi loin, quoi. D'avoir autant de temps, créer le truc et tout. Il mettait son CD comme ça, tu rentrais dans sa voiture, il appuyait sur le bouton. Et ah oui, donc c'était à la mano, secondes, c'était toi qui déclenchais le truc. Ah oui. Puis c'est vraiment un truc qui dure 30 secondes, donc pendant 30 secondes, il te regarde comme ça. Je suis oui. Et t'as le truc. Attends. Attention. Pas mal celui-là. Pas mal. Ah, j'aurais voulu prendre une photo. Pas mal celui-là. Bonne rentrée à tous. C'est mis à cheval sur les deux chaises. Debout sur l'ouffé. Est-ce que au montage tu peux faire en sorte qu'on n'entende pas trop le temps d'attente, qu'on ait l'impression que vraiment j'ai fait un spin? C'est la meilleure chose. Il joue un peu dans la comédie, moi je trouve le temps d'attente. Le suspense. Il y a un suspense. Parce que t'as le. Alors. Quand tu dis alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Concentration. Non, non, c'est. Pour moi, c'est de la dramaturgie, faut tout laisser. C'est du théâtre réel. Merci. Oui, en même temps, la personne qui avait la voiture. Toi, t'avais pas de voiture à l'époque? Si, j'avais une voiture, mais alors lui, il l'a eu en premier. Enfin, avant nous. Tu l'as une belle voiture. À Grenoble. Il faut dire, en fait, pour les gens qui savent pas, que vous vous connaissez depuis. Ouais, depuis belle lurette. À quel âge? À 10 ans, on s'est rencontré. Ah ouais. 10 ans, ouais. En sélection départementale de basketball. Oh, vous êtes des basketboys. Bah ouais. Et à l'époque, on avait tous les deux des tresses, donc on s'était on était tous les deux les seuls métis de l'équipe. Avec vraiment, on s'est vu, on a fait. Bah, le basket, c'est rare en même temps des Renois, quoi. Ouais, basket, ouais, c'est normal. Ça. Voilà. C'est assez fermé, c'est comme le sport auto. Et non, on se rencontre là-bas, et en fait, t'es tous les deux des métis de village qui aiment le rap, qui ont des tresses. Ouais. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, on s'est pas lâché, jusqu'à aujourd'hui, on a tous les deux des tresses. Ah, t'as les tresses là? Ouais, mais bah, là j'ai mis la casquette, ouais, pour. Là on voit pas, pas, okay, non, non, non, des tresses là, la voiture. Oui, hop là, voiture, bagnole, GP Explorer 2. Oh, tout se recoupe. C'est vrai ça. Squeezie, Squeezie. Mais Elon Musk, le nouveau nom de son enfant? Ah oui, ding. Ça s'appelle comme ça. Il s'appelle javascript.2. Oh, les rêves de mec qui n'est absolument pas internet. Javascript. Aucune j'espère technique. Elon Musk, si tu nous écoutes, ah bah, il nous appelle écoute. Ton prochain enfant javascript.2. Tu veux rien dire? Ça existe encore. Ça veut rien. Si, le javascript ça existe. Ça existe encore. Par contre javascript.2 ça ne veut rien dire. Ça aucun sens. Non, mais c'est vrai que la personne qui avait la voiture dans les... Moi je viens d'une petite ville aussi. C'était la personne qui avait quand même le pouvoir. Moi je crois que avoir une voiture, ça a été mon premier move d'adulte un peu. C'était vraiment Oui. Tu choisis ta musique. Ta liberté c'est totale. Ta première ride en voiture est même assez folle et assez bizarre. Ah ouais. Tu te dis, attends, j'ai le droit de faire ça? Ouais, j'ai le droit d'aller à un endroit tout seul. Tout seul. En plus, je sais pas, t'as fait la conduite accompagnée, toi? Mais j'ai fait conduite accompagnée. Moi aussi. Donc, du coup, vraiment, en plus, mes parents. Moi, je suis tout seul dans la voiture, là. Ouais, c'est ça. C'est pas normal, là. Je suis pas en. Et surtout que quand tu reçois ton permis, t'as pas le papier rose tout de suite. T'as une sorte de. Oui, c'est vrai. Entre deux, feuille à quatre pas ouvert, là. Ouais. Ça. Donc, c'est un peu bizarre. Je me rappelle, j'avais pris la voiture, j'avais fait une heure de route pour aller jusqu'à chez Samy, juste pour lui montrer ma caisse et repartir chez moi. Fin. Et tu fais, bon, bah, en fait, j'ai le permis, mais ça me sert pas à grand chose vu que j'ai pas de pote. Ça. Toi, Adri, t'es team voiture, t'as eu une voiture? Quand j'étais jeune, ouais. Non, moi j'ai eu le permis. Toi, t'étais en banlieue parisienne en plus, donc est-ce que. Bah, moi, j'étais en banlieue parisienne et après, à 20. Ah, il y a eu un petit discret. Une gratouille. Ouais. Sous le menton d'un petit chien. Voilà. Un pantouflet, j'ai envie d'appeler ça un pantouflet. Un pantouflet. J'ai eu à 25 ans, j'habitais à Paris. Et à Paris, le permis. Mais c'est bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et je l'ai quand même passé, mais assez tard. Je crois que j'avais 30 ans. Quand t'as passé le permis? Je crois même plus que ça, peut-être. Vieux pépère. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai pas utilisé beaucoup. Oui, mon permis. Je l'utilise l'été pour partir avec le camtar. Parce que vous êtes team conduite accompagnée, c'est ça? Ouais, ouais. Mais par exemple, c'est pareil. Je trouve que ça veut vraiment. Ah, attention. Oh la vache. Oh là, une tolérance. C'est terrible, hein. Perso, j'ai. De gaz. Je t'ai dit quoi hier soir? Ah oui, c'est vrai, tu dors avec ta machine du coup. Voilà, c'est comme ça, j'ai plus de proutes. Et j'ai dit, je vais faire exprès de bien dormir avec pour avoir plus de proutes le lendemain. Ah, parce que qu'est-ce que c'est? Attendez, expliquez ce qu'est cette machine. Parce que là, on voit un truc qu'on met dans un cul pour le remplir. Attends, là, je vais mettre ma machine, tu vas voir demain. C'est la air prout en fait. C'est, voilà, tout à l'heure. Non, c'est. Je fais de l'apnée du sommeil. D'accord. Donc j'ai une machine. Parce que en fait, je suis malade, j'ai une maladie. Ouais. En fait, j'ai une maladie. Voilà. Ouais. Attention, silence. Enfin, j'ai une maladie en fait qui m'empêche de vivre comme un être humain normal. Bien sûr, bien sûr. Et cette maladie, en fait, elle m'empêche de bien dormir comme tout le monde, en fait. Et du coup, j'utilise ça pour mon sommeil. Pour bien respirer. Tu utilises ça pour péter le lendemain. Voilà. C'est des raisons. Non, mais oui, je fais de la nuit du sommeil, mais là, je vais passer à bientôt à l'orthèse. Et en gros, j'aurais plus besoin de la machine parce que c'est un peu contraignant des fois. Ça va trop lourd. Ça fait vraiment pilote d'avion, quoi. Ouais, pour expliquer, énorme. C'est genre t'as un masque qui t'envoie voilà, de l'air. Qui t'envoie de l'air, voilà, en permanence. Pour te forcer à respirer, en gros. Bah, en fait, c'est parce que moi, j'ai une malformation au niveau de la gorge. Et du coup, dans une certaine position, et ben, en fait, mon l'air passe pas aussi bien. C'est okay. Ouf. Et du coup, en fait, ben, là, ça force mon corps à respirer. Ça lui envoie un signal de l'air rentre. Ouais. Bon, ce qui, en fait, n'est pas très charismatique quand tu viens d'avoir un rapport charnel avec ta demoiselle. Tu fais, allez, bonne alors, c'était bien. Alors j'ai demandé parce que comment alors tu c'était bien. Comment j'ai... tu t'es j'ai jamais alors... demandé à une meuf. Ah moi parce jamais que, je parce demanderai... que je savais que tu connaissais la réponse. J'ai peur de la réponse. Ouais. Mais comment t'as su que tu faisais, enfin comment t'as suspecté bah que tu faisais de la avec ma copine qui me dit dans la nuit. Tu fais des bruits atroces. Tu décèdes sur place. Ouais, voilà, tu t'es en train de respirer. Tu fais. Et en fait, c'était comme ça. Et même moi, je le ressentais sur mon sommeil. Et en vrai, on fait tous un peu d'apnée. L'humain, en général, en moyenne, fait déjà un peu d'apnée. Oui. Mais moi, j'en fais plus, un peu que la moyenne. Ouais. Et donc, en arrête vrai, de te la jouer quand même. Hein ? Arrête de te la jouer. Bah, après, c'est pas une compète, mais vrai, j'étais à plus 10. En vrai, c'est pas pour dire. Je faisais plus de 15 apnées par minute. Donc voilà, j'ai gagné. Pardon. Et non, le. La. En vrai, c'est toujours intéressant d'aller se faire dépister. Et c'est une vraie. C'est un vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent putain, je suis fatigué au milieu de journée, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, moi je... Et des fois, ça peut être issu de ça. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et c'est pas tabou. Ouais. Faut en parler. Vraiment le toutes ces explications, merci d'ailleurs pour soulever ce problème. Parce que c'est vrai que c'est important. Tout ça pour dire que sa machine lui remplit le cul d'air. Et que le lendemain, il peut péter énormément. Voilà. Et donc, en vrai, c'est ça. C'est qu'en fait, la machine lui remplit d'air. Et le matin. Bah, c'est un concert quoi. Oui, parce qu'en gros, j'imagine qu'il y a de l'air aussi que t'avales par. Le bide est rempli. L'œsophage quoi. Ouais. Et le matin, c'est un festival. Mais voilà. Ce que je disais sur la voiture, c'est déjà vous avez fait la conduite accompagnée. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu de montage, hein. Croyez pas qu'il y a un montage où il a enlevé, parce qu'on a parlé pendant 5 minutes encore de flatulence. Non, il a enchaîné sans transition. Imagine bien que c'est resté au montage. Non, parce qu'il y avait une hâte d'avoir le permis aussi. Parce que moi, je trouve que, tu sais, quand t'es ado, et dans les petites. Enfin, Grenoble, c'est quand même une grande. Vous étiez à Grenoble non, même on était à campagne, non, village. Donc là, c'est vraiment à partir de 12 ans, tu commences à penser au permis. Ouais, à penser au permis, ouais. Dès que tu peux, quoi. Moi, je sais que j'ai fait la conduite accompagnée dès 16 ans. Et le permis, dès que j'ai eu 18, quoi. Adrien, désolé, on n'est pas des mecs de Paris, donc ça t'intéresse pas, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je n'ai rien à apporter à cette discussion. Non, mais c'est vrai qu'en village, t'as le bus qui passe deux ou trois fois par heure. Horrible. Donc tu le rates, t'as raté ta journée. Ta journée est foutue en l'air. Ouais. Donc t'as très hâte de passer le permis. Et peu importe la voiture qu'on te file, tu la prends. Rien à foutre. Rien donc à foutre. Moi, Fiat Panda direct. Mais faut un lecteur CD. Ou un lecteur cassette ou un truc audio, quoi. Mais moi, j'avais ma première bagnole, il y avait rien pour écouter de la musique. C'était quoi ta première voiture ? Bah, en fait, c'était une C3. Donc c'était pas si nul. Mais l'autoradio était pété. Et du coup, je pouvais pas écouter de CD au début. Et c'était horrible parce qu'il y avait pas dans ça. Là, aujourd'hui. C'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui. CarPlay. Qu'est-ce qu'ils sont. Ouais, déjà, les jeunes, ils ont tellement de chance, ils se rendent pas compte. Oh, pauvre Théo. Les woke là. Non, mais attends. Et ils se plaignent tout le temps, mais ils ont toute la chance du monde, ces jeunes. Alors, servez-lui un verre, là. Oh, oui, non, bah, allez, non, non. Fous-moi un calva. Lâche-nous une caisse, là, qu'on rigole, putain. Mais quand j'ai réparé l'autoradio, alors là, par contre. Oh, le bonheur. Le roi du monde. Bah, là, ça change d'avis. Là, j'avais mon petit classeur avec les CD, évidemment. Oui, oh, le Limp Bizkit. Mais même mieux, moi, j'étais allé acheter chez Feu Vert, là, comme un gros beau. J'avais acheté les autoradios. Où tu pouvais brancher déjà les MP3 et tout. Ah bah oui. Les clés, j'étais le roi du monde là. Oui, les clés USB et tout ça. Et t'avais même la cassette avec une prise mini jack pour brancher le téléphone. Et alors moi j'avais encore mieux, j'avais un truc qui se branchait à l'allume-cigare et qui en fait émettait une fréquence radio. Oui. Après avec la radio, tu mettais 89.8 la même fréquence et c'était ça allait sur la enfin quand. Ouais, c'est fou. Vous m'avez compris, c'était du Bluetooth. Ouais. C'est un émetteur radio, c'est un émetteur. Et ça c'était vraiment un glitch. Je pense souvent à ces entreprises qu'on était le futur mais dans une période très courte de temps. Oui. Tu sais, c'est comme les inventeurs de l'agenda électronique. Tu sais, à un moment c'était des génies c'est et après Lexibook. L'iPhone est sorti, ils ont fait ah bah c'est terminé. Le Palm. C'est ça. Ouais, c'est l'histoire du BlackBerry aussi un peu. Il y a un film. Bah je l'avais recommandé dans le... Mais il y a eu un film là sur l'histoire du BlackBerry qui est folle quoi. Récemment. Jukebox. Ouais. Oui c'est ça. Jukebox. Vous rappelez le Jukebox? Ah non, le Jukebox, ok. L'appareil. Arcos. Arcos. J'avais un Arcos. Oui, bien sûr. J'avais un Arcos, ils étaient énormes, vraiment bien chunky. Ouais. C'est quoi le nom du film sur BlackBerry? J'aime bien les films comme ça. BlackBerry. Okay. Ouais, c'est ça. Il est vraiment bien. J'aime bien. Ouais, moi aussi. Il y a eu le truc sur les Air Jordan. Oh, bah là, j'ai adoré. Fabuleux. Ah, ouais, pareil. Même si beaucoup de choses sont fausses dans le film. Ah, déjà, Michael Jordan n'a pas de visage dans le film. Ouais, il en avait un à l'époque. Non, mais en gros, dans la. Dans la vraie histoire, en tout cas, c'est ce que dit Jordan dans les interviews, c'est que lui, il était vraiment sa marque, c'était Adidas. Il était fan d'Adidas. Ah ouais. Et lui, il insistait auprès d'Adidas pour dire mais moi, je kiffe Adidas et tout. Et c'était Adidas qui disait non, merci quoi. Ah ouais. Ah oui, donc il veut leur. Et du coup, il a dit bon, bah je vais chez Nike quoi. Ok, mais et ça lui, rend de un base, film. C'était Adidas. Moi, ce que j'ai trouvé, lui, il était fan d'Adidas, Jordan à la base. Et donc, il était allé. En fait, Nike avait fait une offre financière de fou. Et il était retourné voir Adidas en disant bon, ils me font une offre de dingue, mais moi, je kiffe Adidas. Donc, même si vous m'offrez moins, je viens chez vous. Et ils ont dit non, c'est bon. Oh, le regret. Et après, j'imagine que la personne qui a dit non a dû. Elle dirait, ouais, vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé très stylé, c'est la façon dont on se rend compte que c'est la mère de Jordan qui est derrière tout le truc. Et qui a... Ça, je crois que c'est vrai pour le coup. Ouais. J'avais déjà entendu ça, je trouve ça très stylé. Parce que vraiment, elle met les points sur les i, quoi. Ouais, c'est ça. Moins compliqué qu'Oppenheimer. Ouais. Et les mots là, techniques là. Parce que là ils disent basket à un moment, ça va. J'ai tout capté. Lacet. Bon, lacet, tranquille. Lacet, ouais, ça va. Ça je l'ai. Lacet. Depuis cet été, on a quoi vu. Les... Ben oui, mon pote. J'ai envie de mettre du. Ouais, de l'énergie. On a vu une explosion de. Diarrhée dans un avion. C'est vrai qu'on y revient toujours. Une explosion de deux prénoms à du bébé. À votre avis, lesquels? Cet été là. Barbie. Ah, Eken, Oppenheimer. Eken, non, pas Claude. Oppenheimer. Eken. Ah ouais. La bonne réponse. Oh, dégueule. Bah, non, ah oui. Mais oui, bien vous êtes sûr. Des beaufs, les gens. Ah, Barbie, pardon. Eken, vraiment. Barbie et Ken. Ouais, excuse-moi. T'appelles ta fille Barbie. On peut imaginer que c'est des beaufs, non? Oui. Je sais pas. Non, alors, je sais pas. Barbara, peut-être. Ouais, un petit. Oui, voilà. Et tu la surnommes Barbie si t'as envie. Oui. Ah, c'est vrai ça? Ouais. Oh wow. Après ma fille s'appelle Hot Wheels. Je vois pas pourquoi vous jugez. Ma femme est enceinte, on va l'appeler Subway. Oui, l'engouement est énorme. Mon fils s'appelle La vie est un long fleuve tranquille. Je sais pas si vous trouvez ça cool, mais. Moi, mon fils s'appelle Je suis juif en hommage à la vidéo de Thibaut InShape. Non, je deviens juif, pardon. Je deviens juif. Point d'interrogation. Voilà. Ah oui, point c'est d'exclamation. En hommage à la vidéo de Thibaut InShape. Ça tourne mal. Oui. Je deviens 300% de plus pour le prénom de Barbie et 200% pour Ken. Voilà. Bah, Ken, enfin, à la limite, c'est un prénom quoi. Ouais, Ken, il y en a beaucoup, même des Ken connus, des Ken Cougentil. Ken Cougentil. Bah, je connais que Nekfeu, je crois. Ken oui, c'est New Reeves, mais c'est ouais. Pas c'est non, Keanu. Non, mais si, t'as Ken Marino. T'as dit quoi? Bah, c'est Keanu, c'est Kennedy. Pas Kennedy. Ken Adams. Enfin, voilà, il y en a mille, quoi. Mais effectivement, et c'est évidemment lié au film de Greta Gerwig. Barbie, bien sûr, ce n'est pas. Voilà. Alors, j'ai regardé un petit peu l'origine de vos différents prénoms. Tout simplement, parce que je sais que ça, c'est un truc qu'Adrien, ça le touche particulièrement. De quoi? L'origine des prénoms. À toi, ça veut dire petite Yves. Exactement. Et mon frère, c'était. Et mon frère qui s'appelle également Théo, comme Théo. Oh là là, c'est incroyable. Ça veut dire Dieu en grec. Bah oui, simplement dire Dieu. Devinez qui est l'enfant préféré de mes parents. Il y en a un où c'est petit, il y a un truc rabaissant, et l'autre c'est petit Dieu. Ouais, c'est Dieu en fait. Ceci dit, en allemand, Yvick veut dire aussi archer. Et bah oui, alors voilà, c'est stylé. Légolas le mec. C'est vraiment pas stylé du tout. Parler de ta passion pour le tir à l'arc. Non, en fait, c'est par rapport à la série Archer. Ouais, mes parents adorent l'animé. Légolas ou plutôt dégueulasse, j'ai l'impression, parce que. Vu les caisses que tu lâches. Ok, on est ensemble jusqu'à 19h. On va s'écouter Gims featuring Vianney. On va lancer. Avec la voix de Bigard, par contre. Ouais. Mais Yvick, attention, prénom très rare. Parce que j'ai lu entre 1900. J'ai jamais rencontré de Yvick. Entre 1900 et 2022, il y a eu 32 naissances de Yvick. Waouh, incroyable. C'est fou. J'ai jamais rencontré. Mais alors, peut-être qu'il y en a plus maintenant que. Ce qui représente, une moyenne de 0 naissances de prénoms par an. Voilà, je vous le dis, donc c'est vraiment très peu. En vrai, personne m'a jamais dit ouais, on a appelé mon fils. Déjà. Et j'ai souvenir d'avoir croisé un Yvick, mais j'arrive plus à savoir si c'était un rêve. Ou alors si c'était un soir où j'étais vraiment rebou et que je m'en rappelle pas. Ou alors c'est le mec a menti juste. Ou alors le mec a menti. Donc c'est un peu bizarre, tu vois, j'arrive jamais vraiment à savoir. Donc je sais plus vraiment, mais tous les mecs que j'ai vus, enfin sur Facebook, ça s'appelle Yvick, c'est que des vieux, parce que c'est un vieux prénom. Ouais. Et souvent ils sont chasseurs, je sais pas pourquoi. Cela dit, tu chasses. Mais ils chassent à l'arc, j'imagine. Non, je chasse Gotaga sur la piste. T'as fini devant lui ou pas finalement? Non, il y a une belle bataille, mais il m'a eu à l'usure. Moi-même qui ne regardais pas le GP, j'ai entendu parler de cette bataille. Ah, ça a été apparemment un fait de course assez cool, donc j'étais assez fier parce que c'est vrai que rarement tu te dis qu'une bataille pour la 11ème place, ça va être en mode wow, et il passe devant pour la 11ème place! Ça excite vraiment peu de gens. Quoi. Oui, mais sauf que comme il se passe rien devant, c'est ça. C'est ça. Vu que c'est le même top que l'année d'avant. Non. Ah oui, c'est le même. Juste secouer la boîte. Et ça. Ça, quand le premier a 4 secondes d'avance, c'est vrai que tu cherches de l'excitation ailleurs, quoi. C'est ça. Avec Gotaga, qu'on surnomme quand on est fan de stream. Gotaga. Ah oui, le Goat. Ou The French Monster. The French Monster, bien sûr. Non, à l'époque, il n'y avait pas le terme Goat. Il l'a inventé. À la mode. C'est, ça voilà, vient de lui. C'est comme moi qui. Alors, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps que j'ai inventé le terme claqué au sol. C'est faux. J'ai vraiment repris ça de Twitter. Dans ma vidéo Rap vs Réalité, je fais l'imitation de Sofiane So. Oui. Et qui me dit c'était claqué au sol. Et du coup, j'ai vu il n'y a pas longtemps un article qui disait les expression et que claquer au sol venait de moi. Pas du tout. Vraiment pas. Écoutez-moi bien, je n'ai rien inventé. J'ai vraiment pas du tout inventé ça. Donc fou. Oui, effectivement, Théo vient, ça veut dire Dieu. C'est aussi en l'honneur de Théodore, soldat de l'armée romaine sous Maximilien, le patron des soldats. Oh et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Adrien... Bah, un empereur romain, mais avec un H par contre. Exactement, exactement, bien vu. Mais qui était également... Saint Adrien est également le saint patron des soldats. Donc vous êtes deux bons patrons des soldats. Basket boys, mais aussi des bons soldats. Parce que c'est Adrien, Saint Adrien, c'est le saint des soldats, donc des marchands d'armes et des bouchers. Tout ce que t'aimes. Bah, exactement. Il y a un pantouflet. Un autre pantouflet. Et Florent. J'ai pas regardé Florent. Oh, mais il s'efface derrière son émission. Et moi, regardez-moi. Vous me voyez plus. Oh là là, le caméléon. Peut-être parce que t'es hyper maigre. C'est vrai que j'ai beaucoup maigri. C'est vrai. J'ai repris un peu. Quel nouvel effet néfaste a-t-on découvert avec la vapoteuse? Ah, attends, avant ça, vous avez vu la vidéo du bébé qui vapote ou pas? Ouais, j'ai vu ça. C'est ma fille. Dans le métro à Paris. Ouais, j'ai vu ça. C'est à Paris ou pas? Non. Non, mais c'est en France. C'est en France. Attendez, il y a des métros ailleurs qu'à Paris. Non, mais alors, sachez qu'il y a des tramways au Mans. Ah ouais? Bon, c'est là. Je cherche pas, c'est là. Ça reste une info banale. Ouais, moi je pensais pas, hein. je savais pas. Non, mais toi aussi, t'es dans ta petite bulle parisienne, dans tes jets là. Est-ce que c'est un truc dégueulasse un peu? Pas dégueulasse. Est-ce que c'est genre faire des bruits horribles dans le micro des streamers? Non, c'est pas. Ils ont joué à Minecraft, bon arrêtez. c'est un effet secondaire, c'est ça? Un effet secondaire, terrible. Un peu grave? Diarrhée, allez, c'est diarrhée. Non, c'est la diarrhée. C'est roté, pété. C'est pas si grave, mais ça a un effet. Ça fait bander. Non. Une haleine pas ouf? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la bouche? Migraine. Non, pas la bouche, pas la migraine. Est-ce que c'est un rapport avec les jambes? Pas les jambes. C'est un rapport avec la digestion. J'ai dit un autre endroit. Vraiment, je me suis dit. Allez, bien écoute, bien joué, Vic, ça raccourcit les jambes. C'est un rapport avec la vue? Pas la vue. L'odorat. Avec hein? L'odorat. Pas l'odorat, pas un sens. Je peux vous dire. Okay. Est-ce que ça... J'ai senti que t'étais parti. Un truc sur le cerveau? Pas le cerveau. Le sommeil? Pas le sommeil. Pas le sommeil. Un truc sur les autres? Non, c'est vraiment sur toi. Ça rend agressif? Non. Est-ce que c'est... Je sais pas. C'est l'inverse normalement. Sur le cœur? Pas le cœur. Est-ce que ça change le comportement un peu? Non. Enfin, peut-être à terme du coup, vu l'effet que ça. C'est quelque chose de physique quoi. C'est vraiment physique. C'est pas quelque chose de physique. Ça provoque une douleur? Je ne crois pas. Non, ça provoque pas une douleur. Mais une gêne. Ça fait bander assez intelligemment. On n'est pas loin. Pas très envie de pisser. Ah, ça fait baisser la libido. Alors déjà, c'est pas la réponse, mais déjà ça fait baisser la libido. Ça rend fertile. Je fume moi ou quoi? Tellement je suis un immense baiseur. Ouais, c'est vrai que je suis ça. Moi j'allais dire ça, mais juste parce que vu que je ne baisse pas, au moins j'aurais plus envie. Ça règle le problème. Non, ça change la couleur du sperme. La fertilité. Ça change la couleur. C'est la pisse. Il est vert. Tu éjacules de la pisse. Ton caca est bleu, allez. Ton caca, il est bleu. Bravo mon pote. Y a plus rien. Bravo. J'ai plus de solution. On part de ça fait bander à hein. Le caca il est bleu, non? C'est lié. Un lien direct. Bravo mon pote. Ce sera peut-être le titre de cet épisode. Bravo mon pote. Donc c'est un rapport avec les coucouilles quoi. Voilà, c'est la rentrée. La fertilité, oui. Ça rend alors, d'une certaine manière, mais c'est vraiment un truc physique. Il y a moins de. Ça rétracte les couilles. Alors il y a moins de spermatozoïdes, ça c'est vrai que c'est. Ça rétrécit les couilles. Ça rétracte les couilles. Oh non, j'ai vu juste avant. Ah pardon. Ça rétrécit. Moi j'ai pas parlé de la. Qu'elle se regroupe pour ne former qu'un bon bloc. Mais moi c'est là en termes de. La taille tout simplement. Circonférence. France. Non, non, ça arrive. On n'est pas là. McFly, il devrait peut-être fumer un peu de vapoter. Ouais, ah, c'est le seul qu'il a. Non, non, ça réduit les couilles. Qui est un Disney aussi. Chérie, j'ai réduit. Mais non, non, oui, ça rétrécit les burnes apparemment. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont exposé certains rats mâles. Alors vraiment, les rats. Ouais, laissez-les tranquilles. Qu'ils envahissent Paris au moins une fois par an, parce que vu ce qu'on leur fait vivre. Ils ont exposé certains rats mâles à la fumée des cigarettes. Vapoter des rats, putain. À la vapeur de cigarettes. Alors qu'il suffisait de prendre des streamers. Ils ont ensuite mesuré plusieurs. Leur dire que c'est une OP. Et en fait, on mesure vos couilles, voilà. Donc c'est une OP, t'inquiète. C'est pour NordVPN. Ils ont ensuite mesuré plusieurs paramètres tels que le taux de cotinine. Cotinine, effectivement, dans le Marion rire. Cotinine. Oui, et au GP d'ailleurs. Oh là là. Le poids des testicules. Le ou poids en... Comment tu pèses des testicules? En posant. De rats en plus. À mon avis, ils pèsent les rats, ils leur coupent les couilles, ils les repèsent. Oui, pour aller. Ah, il fait une petite soustraction. Mais ce qui est horrible. Oui. J'espère que c'est pas ça. Ou alors ils demandent gentiment aux rats de rabattre leur pénis contre leur abdomen et de les poser comme ça. En fait, j'ai pas de mal à imaginer comment on pèse des couilles qui sont un petit peu peut-être lâches, si... tu vois. Mais si ça les fait rétrécir. Dans le monde dans lequel on est, je pense que Patrick Sébastien a déjà pesé ses couilles. Oui, ouais. Mais pour pouvoir le dire dans une chanson. Oui, c'est ouais. Ça. Mais tu peux les peser au marché, les fruits sont moins lourds que mes deux couilles, couilles, couilles, couilles, couilles. C'est le pamplemousse. Non, non, c'est mes couilles. Oui. On donne des petites leçons de beaufrie à Patrick Sébastien, parce ouais. Que nous on est quand même plutôt plus classe. Oui, oui. J'ai une idée de concept YouTube pour ma chaîne. J'aimerais faire un peu comme Squeezie a fait les tubes de l'été, mais en mode paillard. Mais et inviter Patrick Sébastien en jury qui détermine quelle est la meilleure chanson paillard. Donc conjure, fais-le. Okay. Ouais. Je suis invité trois créateurs. La France est avec toi. Ok, la France est avec toi. Et on voit ça. Je veux pas nous vendre, mais bon. On peut donner un avis. Si on peut participer. On peut donner un avis. Et ben ok, bah ça, si c'est enregistré. C'est acté ici. Oh là là, c'est enregistré. C'est acté ici. C'est bon à savoir. Hey. Avec des vraies sessions studio et tout machin, ouais, ouais. Vraiment filmé 2000, à la nouvelle école. 2023 ou 2024 ça. Je pense 2023 en format de Noël serait stylé. Nouvelle école, ouais. Il a dit. Nouvelle école. Format, non mais filmé face nouvelle aux nouvelles école. Nouvelle couille. Ouais, oui, nouvelle couille. Allez, c'est parti. Donc oui, effectivement, les scientifiques ont observé que chez les rongeurs vapoteurs, la taille des testicules était réduite par rapport au groupe témoin. De plus, le nombre de spermatozoïdes était inférieur, 95,1 versus 98,5 par millilitre. Donc voilà. Les pauvres rats, les pauvres scientifiques aussi. Ils ça toute la journée, par contre. Ouais. C'est ça. Adrien, en parlant de bonne burne, t'es allé chez l'urologue cet été? Oh. Alors, wow. Alors attendez, pour les auditeurs, je ne le jette pas sous le camion. Nous j'ai nous dit, sommes vus dans anecdotes. La vie. Et il m'a dit, j'ai des petites anecdotes d'urologue. Ah. Je préfère le dire, parce que sinon je suis vraiment une ordure. Alors il s'avère que j'ai trois anecdotes d'urologue. Parce qu'en fait, il s'avère que, comme je disais, je ne baisse pas, donc... Je ne baisse pas, donc je me masturbe. J'aurais dû faire un trigger warning et masturbation. Non, en fait, ouais, il s'avère que. Oh, les gens le savaient, hein, je ouais, pense. Ouais, ouais, ouais, ouais. On s'en doute, mais après, il n'y a pas de honte. Oh, alors là, surtout pas. Franchement, faites-le. Voilà. Non, non, mais en fait, moi, il s'avère que de manière générale, j'ai la peau très fragile. De la bite ? D'accord. De tout, mais okay. Également de la bite. Et du coup, ça peut arriver que j'ai la peau irritée, tu vois. Ça peut m'arriver, tu vois. Et la peau de la bite, hein, la peau. Ouais, ouais. À part de, à force de trop secouer le vergeon. Ouais, exactement, ça, exactement. À force de trop mastiquer l'asperge. Attendez, gardez-en pour le programme de Vivic. Ne gâchez pas tout maintenant. Taper la trousse, elle me perd un peu le temps. Parce que tu dis vraiment, l'image ne marche pas, mais ok. Taper la trousse. Non, non, et du coup, à chaque fois, ça me fait peur parce que je me dis, putain, non, là, j'ai peut-être un truc et tout. Et du coup, je vais chez l'urologue et à chaque fois, l'urologue me dit, non, non, c'est rien, quoi, c'est juste un peu irrité. Mais du coup, j'ai quand même à chaque fois peur d'avoir un truc, donc ouais, par d'accord. Précaution, j'y vais. Et donc, la première fois que je suis allé chez l'urologue pour ça, le mec, donc vraiment, la cause, c'est que je ne baisse pas. C'est vraiment ça, quoi. et le mec. Du coup, il t'a donné une ordonnance baiser. Non, non, non, mais justement, c'est que je suis allé voir le gars et j'ai pas trop osé lui dire. Donc en fait, bah, c'est parce que voilà, je me branle quoi. Ouais. J'ai pas dit. Tu leur as dit écouter le podcast. Je lui ai juste dit, regarde ça mon pote et tire les conclusions. Et le mec m'a dit, il me dit, mais non non, mais ça doit être une allergie, un truc comme ça. Vous avez mis un préservatif et tout. Je dis non non non, vraiment non non. Il me dit, vous avez eu des rapports non protégés. Je fais bah non non non plus et tout. Il fait ouais ouais non mais et le mec. Et t'es persuadé que j'étais un énorme baiseur. Et donc tu disais, non, non, mais vous savez, moi je suis en couple, hein, je sais pas comment ça se passe dans les boîtes et tout, mais. voilà, non, mais c'est normal, c'est avec le préservatif et tout. Je disais, non, non, non, mais c'est vraiment, c'est pas ça du tout. Il disait, non, mais vous êtes jeune, vous êtes célibataire. Ouais, bah voilà, c'est ça. Non, bah vous savez, moi, c'est derrière moi, mais bon, là maintenant, j'imagine que. Et vraiment, je disais, ça n'est pas ça, déjà, je veux dire. Je regarde mon historique, là, putain. Dans la salle d'attente, j'en regardais du cul, là. Je suis un détracos, tu le comprends, ça? J'aurais voulu dire, ma vie est l'inverse de ce que tu projettes sur moi. Il a tiré des conclusions sur ton crâne chauve de pitbull. Il s'est dit ça, il encule en boîte, ce mec. Parce que la calvicie, c'est un trop plein de testostérone. Bien sûr. Donc il s'est dit, oh là là, un énorme baiser. Je vois très bien. Et je n'osais pas lui dire, gars, c'est vraiment, c'est l'inverse. Si je peux te donner un indice. Ça, c'était... T'orienter. Et t'es sorti de ça en n'ayant aucune réponse? Bah ouais, non, mais il m'a dit non mais vous avez rien, c'est juste irrité, ça va partir. Ouais. Ce qui était le cas. Ouais. Ok. Parce que c'était long, c'était long l'irritation. Non, on sent que t'es concerné. Non, non, non, ça a pas duré longtemps. Bah, moi ça m'a fait ça en baisant plein de meufs. Ouais, ouais, bah, bien sûr, évidemment. Non, non, et alors, pour le coup, récemment, cet été là, ça m'est arrivé. Et donc ça a duré un peu plus longtemps. Donc je me suis dit, ah là j'ai peut-être un truc. Et là, et je me disais là, putain, ce serait relou que, tu sais, comme tu disais, parfois on se fait reconnaître. Ce serait relou que je me fasse reconnaître par l'urologue. Ah non, quoi. Ah, non, ouais. Et je me disais, non, mais elle sera professionnelle et elle le dira pas, tu vois. Oh, genre avec ma bite dans la main. Mais attendez, golden moustache, non. Le mec qu'on n'écoute jamais, alors... mais qui se branle par contre. Hein, ouais. Oui, on l'écoute jamais. Et alors, elle m'a pas reconnu. En revanche, c'était dans un hôpital, quoi. Et donc, tu vas à l'accueil. Et donc, tu sais, t'es un petit peu. Voilà, tu fais profil bas et tout. Et je fais un pas à l'accueil. Et la meuf, elle me voit, elle met sa tête dans la main. Elle fait oh non! Comment j'aime trop vos vidéos! Je fais oui, j'ai rendez-vous avec. Non, mais je rigole trop! Elle me dit vous avez rendez-vous avec qui? Donc, je dis bah, docteur machin. Elle fait ah ouais! Non, pardon, hein, mais vous me faites trop rire là, les parodies et tout. Je fais bon, en plus, pas du tout ce que je fais. Pas le macho là! Ouais, ouais. Donc, un peu la honte. Et je suis, comme ça a duré un peu longtemps, je suis retourné chez un autre urologue. Donc, le principe de l'urologue, c'est qu'il il regarde ta bite. Bien sûr, il la touche. Voilà. Il la goûte. Mais sauf que l'urologue, lui, c'était très bizarre parce qu'il la masse. Ouais. Il la pose sur son épaule comme un petit oiseau. Il la complimente, il la pèse. Très bizarre. Il la prend en photo. Il fait un selfie à côté. Non, non, mais bougez pas, bougez pas. Je prends une photo. Toi, t'es spectateur, il parle plus à ta bite qu'à toi en réalité. Oui, oui, oui. T'as même pas besoin de parler. Tu dis bonjour quand tu rentres si t'es poli, puis après c'est tout avec ta bite. Quoi. Ça se joue entre la bite et le docteur. Voilà, ouais, c'est ça. Non, et là, ce qui était très bizarre, c'est que le mec avait l'air saoulé de regarder ma bite. Oh. Et genre, il la touchait, mais vraiment comme. Tu sais, comme si t'essayes de décoller un chewing-gum qui est collé sur un vêtement, tu sais. Il la prenait comme ça, il faisait oui ou non, ben. Tu sais, du bout des doigts comme ça, puis il. Avec un bâton de magnum. Non, mais tu sais, il la prenait comme ça, genre oui, bon, bah voilà, non, vous avez rien là. Et vraiment, il a. J'ai joué du bâton vraiment du diable avec. Non, mais je ne peux pas, parce que je peux pas vous mimer, les spectateurs. Imaginez, vous essayez de décoller un chewing-gum sur vos. Non. Et à la place du chewing-gum, c'est ma bite. Et il faisait oui ou non, bon, bah. Non, vous avez rien là. Mais vraiment, limite, il la regardait à peine et tout. Je disais, bon, désolé de te déranger avec ma bite, gars. Ouais, mais ça se trouve, juste avant, il avait reçu Manuel Ferrara, donc forcément, elle est là, genre, oh là, non, mais elle est nulle, celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette pauvre bite, là? Qu'est-ce que cette merde? Elle est même pas célèbre. Et donc voilà, c'est mes trois mini anecdotes du rôle. Non, mais c'est bien de le faire parce que. C'est un bel été en tout cas. mais en tout cas, prenez soin de. Voilà, oui, parce que c'est bien de le faire. Il y a quelques années, j'avais eu un petit souci et j'avais pas attention. Attention. Il y a une éclipse. Non, mais là. Ah, j'ai entendu un petit truc. T'as un pantoufle, il faudrait que tu remontes les dB. Ouais, je remonterai. Bah, de toute façon, il y a du mix. Hein, ah, ça, ouais. C'est Substation, ils ont son cul. Il prend la CC. Un petit compresseur là. Non, mais pour les gens qui écoutent en 5 points, c'est incroyable parce que tu sais jamais d'où ça arrive. Quoi. C'est vraiment, c'est de partout. Quoi. D'ailleurs, on vous conseille d'écouter le podcast dans une salle dans de cinéma. Dans une salle de cinéma. Pour l'expérience de la salle. Atmos, quoi. À minima au casque. Ça, d'ailleurs, les youtubeurs qui disent regardez cette vidéo au casque, non, laissez-nous tranquille en fait, on fait ce qu'on veut. On va évidemment vous regarder dans les chiottes sur un téléphone. L'enceinte de l'iPhone. Pour qui vous prenez? Tout ce que vous méritez. Oui, je vais investir dans du matos pour toi, non, arrête. Pour un vlog au Japon, non, arrête. C'est le 40e de l'année qui sort. Alors tout le monde va au Japon, on est d'accord. Oui. Tout le monde va au Japon. C'est pour ça que j'ai dit c'est ça. Vous n'avez pas eu d'inspi plus que. De l'eau, allez. Oh, dis donc, ouais, c'est un vrai choc. Le dieu là, je sers le dieu en priorité. Non mais moi je suis le roi des soldats. Et le petit. Ah, le petit Yves là. Le petit Yves là. Moi j'avais. On pourrait remettre de l'eau si tu veux. Je peux aller. Ça va pour l'instant. Non, parce que moi il y a eu quelques années, j'avais eu un petit souci et mine de rien, je n'avais pas osé. Parce que la question que je me posais, c'est. Comment tu trouves qu'est-ce un bon urologue? Cette oseille. Déjà, c'est une question que je Est-ce que c'est ta question préférée, toi? Moi, oui. C'est dans ton top, c'est dans ton top 5. C'est une de mes questions préférées. Non, mais. Avec qu'est-ce qu'elle a de mal, ma bite, pour qu'il la touche du bout des doigts. C'est ma deuxième question préférée. Comme un vieil animal tapé par une voiture, on sait pas s'il est mort ou vivant. Ah, oui, alors, qu'est-ce qui lui arrive? Comme une chenille trouvée dans ta salade. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une guêpe dans une piscine. Oh, allez, enlevez-moi cette merde. Enlevez-moi cette merde. Non, oui, c'est parce que moi j'avais. Tout le monde conseille un ostéo à Paris. Personne ne conseille un urologue. C'est comment tu choisis un bon urologue? Parce que mine de rien, c'est un truc d'intimité. Faut aller sur Google Avis, quoi. Ah ouais, ouais. J'étais allé voir un urologue. Non, moi j'étais allé voir un dermato qui m'avait. J'avais une. Mais pour ma bite, pour que j'avais une. Possiblement une MST, mais ça, ouais. Ça c'était. C'est plutôt devenu une super émission de sketch. Exactement. Canal Plus. Ouais, la saison 2 arrive. Pas du tout. Non, c'était. J'avais une verrue en fait au niveau de la queue. Allez. Et donc il était au final une MST et il me l'avait brûlé. D'accord. Et ouais, la sensation de faire. Il a fait le mime du chalumeau. Parce que c'était ça. Et ouais, la sensation de se faire attraper la bite par le mec qui a l'âge de ton père, c'est quand même assez spécial. Quand tu fais une première semaine à 22 000 vente d'album. C'était pas à peu près à ce moment-là. Mais c'est bien de on décomplexe les gens. Ouais. Mais c'est bien. Bah, là, Niska, écoute, il est serein là. Non, mais c'était une. Je pensais avoir plus de mal que ça. Au final, bon, c'est vrai que ça va tellement vite. Ouais. Et le ça mec s'attarde pas dessus. Je l'ai fait ça aussi. J'avais des micro des Molluscom. Ah. Et c'est un truc qui est un youtubeur aussi. Ouais. Molluscom, il parle un peu, il décrypte un peu il décrypte l'informatique. Enfin, ouais. C'est non mais en fait c'est une entreprise concurrente de Mexicom. Et ça a été racheté par elle gère des talents, voilà, c'est Molluscom. Adrien Méniel. Tu es venu avec un petit jeu dans ma besace. Dans sa besace, il a ramené un petit jeu. Alors évidemment, je vais te donner le mini jack. Quel est le concept de ce jeu, mon petit Adrien? Je vais t'expliquer. Alors déjà, c'est très bien. Ouais. C'est quoi en gros? C'est un adaptateur. Qu'il a mis sur son iPad pour expliquer aux gens. Ça permet d'avoir. Il y a un lecteur de carte SD, il y a un HDMI. C'est un petit truc qui branche sur son iPad qui peut t'expliquer pour les auditeurs. Pour non, j'explique ouais, pour les auditeurs. En fait, c'est comme si. Bah, moi, je pensais qu'on pouvait pas faire ça avec un iPad, mais qu'avec un ordi. En gros, c'est un truc où il peut rentrer des cartes SD. Et la carte SD, ça ouvre sur quoi? Quand tu branches la carte SD, ça ouvre quoi? Je pense que ça ouvre rien, mais si tu vas dans l'appli fichier, je pense que c'est un. Ah, pas mal. Voilà, t'en sais rien. Désolé pour cette petite pause, mais je trouve ça hyper intéressant. Des geeks ou quoi? Mais c'est deux purs geeks. Des fans de tech. Ils sont tellement geeks que le E est écrit avec le chiffre 3. Ah ouais, c'est pour vous dire. Non, mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Après, je dis ça, mais moi, je compte lancer une structure e-sport, la Team Geekos. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Non, mais même tu voulais pas l'appeler e-geek au lieu de. E-geek et en mode. Voilà, on jouerait à WoW, des vrais no life quoi. Oh le t'as cool mec, gros t'as cool. Tag et moine toi. Il y avait une chaîne, la chaîne No Life existe encore? Non, malheureusement, non. Allez, ils ont mis la clé sous la porte. Alors le petit jeu. Une que clé je USB propose... sous la porte, hein, bien sûr. Je faisais la chute. Ah oui, oh là là. Ah oui. Mais les gens ne savent pas qu'il y a une coupure. Oui, de 10 minutes. Donc c'est un jeu qui ressemble un peu à un jeu qu'on a déjà fait par le passé dans le Floodcast qui s'appelait le jeu du Eddy de Préto. Okay. Ah, ça me dit quelque chose. Le jeu du parce que Eddy de Préto, il avait une chanson qui s'appelait C'est la fête de trop. Bien sûr. Et du coup le jeu c'était Flaubert qui donne la description d'un mot qui ressemble plus ou moins à fête. Et il fallait répondre avec la voix de Eddy de Préto. Par exemple, si c'était un réceptacle en porcelaine dans lequel on mange. Et c'était tout le temps Eddy de Préto. Eddy de Préto a acheté un réceptacle en porcelaine. Oui, voilà. Et c'était c'est l'assiette de trop. Il fallait répondre avec la voix. Ah, c'est un peu le même jeu, mais dans un univers différent. Alors déjà, premier mini-jeu qui est pas vraiment le jeu. Qu'est-ce que vous avez fait quoi ce week-end? le GP, voilà. Une course de F4. Qui est l'instigateur Squeezie. Du truc. Squeezie. Voilà. Et moi j'appelle le Squeeze, mais après. Voilà. Et si jamais. Squeezos, moi. Si jamais il voulait vous demander. Demander votre approbation ou vous demander si tout était. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. C'est, mais c'est il le dirait. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà ce qu'il dirait. Il dirait, est-ce que c'est bon pour vous? Bien sûr. Et il le dit tout le temps d'ailleurs, moi qui l'ai rencontré dans la vraie vie, il le dit tout le temps. Il ne parle que comme ça. C'est ciao. D'autre. C'est ciao, c'est absolument ciao. Tout le temps en train de. Tu arrives avec un t-shirt Yoko. Et donc, du coup, ce jeu, c'est le jeu du. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais c'est bon, ça. Ça peut être un fiasco. Hein, je mais on va y aller. On y va à pieds joints. Mais donc du coup, par exemple, si je vous dis, alors, je vais vous dire que je vais vous raconter une histoire. Je vais vous décrire quelque chose à la manière d'un thread horreur de Squeezie. Oh là là. Ok. Et il va falloir trouver le mot qui remplace bon. Ah, par exemple, si je vous dis cette histoire, elle raconte, elle parle d'une sucrerie. Qu'on peut acheter. Est-ce que c'est bonbon pour vous? Oui. Oui. Très, bien sûr, il faut imiter. Il faut le Calu. Dire. Je l'appelle voilà. Calu. Hein, moi, et je regarderai. Il faut faire le geste avec les mains. Okay, et il d'accord. faut bien faire la voix. Est-ce que tu comprends? Ok. Voilà. Est-ce que. Oui. Et au début, ça va plus ou moins quand même ressembler à bon, mais au bout d'un moment, c'est éloigné. Évidemment, ça va devenir n'importe quoi. Donc. Je commence, j'ai très peur que ce soit un fiasco, mais on y va. C'est bon, t'inquiète. Alors attends, est-ce qu'on entend? Oh, il y a une ambiance. Ah oui. Est-ce qu'il raconte un vrai thread horror? C'est un thread horror. Attendez. Oh, il a changé la lumière. Wow. Alors, cette histoire, elle se passe dans un bar plutôt chic. L'ambiance est tamisée et il y a une femme très belle au comptoir. Et là, un homme entre, très élégant, il commande sa boisson préférée, un martini on the rocks. Il se tourne ensuite vers la femme. Alors évidemment il faut m'interrompre hein, dès que vous avez la réponse. Parce que sinon c'est moi sûr. Je vais le dire au bout d'un moment. Et là ce okay. sera fini pour vous. Ah mais tu veux pas faire un petit geste pour qu'on comprenne que c'est le moment? Non, c'est quand vous avez la réponse. Parce qu'en fait je donne des indices. Est-ce que c'est bourbon pour vous? Et oui. Non c'est pas ça. Ah non, putain. Un martini on the rocks. Il se tourne ensuite vers la femme et se présente. Il s'appelle James. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Est-ce que c'est bon de pour vous? Putain, tu sais que j'avais pensé à ça juste avant. J'étais dit, c'est sûr qu'il va le faire. Où sur le martini? Putain, bien joué. J'ai pas vu venir. Bien joué. C'est bien martini on the rocks, hein, c'est ça sa boisson, non? Putain, j'espère. Non, bah, le dernier avec Daniel Craig, il dit, j'en ai rien à foutre à la cuillère au shaker, je m'en fous. C'est un mec comme ça. On est d'accord que c'est bien ça sa boisson. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'avais vu un article qui disait que si on comptait le nombre de verres ingurgités par James Bond lors de ses missions. C'est un alcoolique de mais c'est un alcoolique. Alors, on met une autre musique. Oh. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en Asie du Sud-Est. Au départ, l'ambiance est plutôt calme. Si calme qu'on met du temps à remarquer qu'il y a un homme qui est là et qui ne bouge pas. Il a le crâne rasé, il est assis en tailleur. Mais ce qui attire l'attention, c'est ses vêtements. En effet, il porte une espèce de robe orange. À y regarder de plus près, attention ça arrive. Hein. Ah. Cet homme est tout simplement un moine bouddhiste. Est-ce que c'est Bouddha pour vous? Non. Est-ce que c'est Bonze pour vous? Ah, c'est Bonze. C'est qui Bonze? Un Bonze. Un Bonze, c'est les. Un moine. Oh, pardon, c'est le fiasco. Celle-là, je savais que ça allait être un fiasco. Mon mot sur la lecture a niqué. C'est quoi? Après, il avait prévenu. C'est qui? Non, t'as, dit, t'as dit c'est qui Bonze? Après, il avait prévenu, il a pas compris Oppenheimer. Voilà, il l'avait dit. À un moment, ils disent des mots de ce ah, ouais. Ils disent à un moment, est-ce que c'est bombe pour vous? Oui. Oh là, merveille. Oppenheimer dit ça au même. Heureusement que je l'ai. Du ouais, coup, ouais, pas. Ouais, ouais. Alors, l'histoire du jour, elle se passe à Los Angeles et elle concerne un homme. Discret, il porte des lunettes, une moustache et un bouc. Tout le monde le regarde, mais il a l'air plutôt heureux. Les gens qui le regardent sont assis dans le public, mais lui, il est sur scène. Une sorte de cérémonie. Est-ce que c'est Bon Jovi pour vous? Non. J'ai failli le faire mais c'est pas ça. Est-ce que c'est Bono pour vous? Non. Ah non. Non. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que cet homme, il vient pas de Los Angeles. Il vient de Corée du Sud. Dans ses mains, 4 trophées. Des trophées qui portent un prénom. Oscar. Ah, est-ce que c'est Bong Joon-ho pour vous? Oui. Ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que c'est Bong Joon-ho pour vous? Putain, très bien. On peut en mettre la lumière ou pas? Oui, bien sûr. calme-toi quand même. Avec tes exigences. Allez, question. Il y en a pas beaucoup. Hein. J'ai. Oh, ça régale. C'est qui le gars? Le mec qui a fait le film Parasite. Aucune culture. Réalisateur du film Parasite. Ok. Il est compliqué le film avec des mots et tout. Non, ça va. Après, ils sont tous en sud-coréen, hein, du coup. Les mots. Faut que tu parles sud-coréen. Mais tu parles sud-coréen. Oui. Je vais pas le faire. Alors, non merde, c'est. L'histoire se déroule dans une soirée étudiante. Plus précisément, une soirée. C'est un son Eminem, ça, je suis désolé. Une soirée d'école de commerce. Les jeunes sont en train de danser, mais c'est pas eux qui nous intéressent, mais plutôt la musique. C'est une sorte de remix électro d'une chanson ancienne. Un peu agaçant. Le temps est beau. Est-ce que c'est bon entendeur pour vous? Est-ce que c'est bon entendeur pour vous? Ah, c'est un remix d'une chanson ancienne. Ouais, le temps est bon. Mais c'est un lynx là qui chante. Ah non, en plus on arrive vu que t'as crié que ça faisait l'effet un peu crade de la du micro. Je l'ai fait. Ah c'est fort. Mais t'es crié hein, dans bon entendeur. Ouais, c'est moi. Il est également petit biscuit. Les deux. Petit biscuit qui est une masse de muscles. Et oui, il est très musclé. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Eh, c'est un gros gâteau. Je déconne. Je déconne, les mecs. Pas la peine de faire cette gueule, vous trois. Alors la suivante, faut aller vite. Oh là, ok. Et c'est la peut-être la plus facile de toutes. Bah, ça promet. L'histoire se passe dans un dessin animé. C'est plutôt calme quand soudain, vous entendez le bruit d'un ressort. Le bruit d'un ressort de dessin animé qui se détend. Et c'est. Est-ce que c'est Bugs Bunny pour vous? C'est bien nul comme j'aime. Un ressort qui fait du bruit dans un dessin animé. Est-ce que c'est Bulon? Non. Est-ce que c'est Boing pour vous? J'allais le dire, mais je me suis dit non, c'est pas ça. Adrien, n'importe quoi, s'il te plaît. C'est la meilleure de toutes. Pour moi, c'est la meilleure, celle-là. Pour moi. J'aime bien. Elle est inattendue. Un dessin animé. On n'aurait jamais pu la trouver. Impossible. Impossible. Monsieur Boing. Ok, les man. Elle est belle. Oula. Nouvelle histoire. Celle-ci se déroule en 2014. Un matin, de nombreuses personnes du monde entier se plaignent de la même chose. Un album a été ajouté de force à leurs iPods. Est-ce que c'est Bono? Est-ce que c'est Bono? Alors, un petit effort sur l'imitation, s'il te plaît. Est-ce que c'est Bono pour voilà. vous? Ah. On l'a eu. Une horreur. Voilà. On est sur une horreur. Ok, la dernière. À présent, je vais vous raconter l'histoire qu'a vécu un jeune homme. Lunettes sur le nez, il essaie de passer incognito. Incognito, est-ce que c'est Bosch pour vous? Avec l'imitation. Est-ce que c'est Bosch pour vous? Non. Ah, tu vois. Sur le B, il vesquille les Condé. Est-ce que c'est Jomb pour vous? Est-ce que c'est Jomb pour vous? J'en ai une petite. Ah, okay. Vas-y, faut que tu lances une musique. T'as l'histoire et tout. Je vais essayer. T'es auteur, toi, non? Vas-y. Pas en impro, le mec. Okay. On est le matin. Tout est calme. C'est la petite routine. Cet homme s'appelle Adrien. Il va sur son ordinateur pour acheter quelque chose. Mais pas quelque chose de neuf. Est-ce que c'est bon coin pour vous? Voilà. C'est vrai que c'est pas... elle était pas très compliquée. Elle était très facile. Elle est bien. Sur son ordinateur pour acheter quelque chose. Oui, bon. Ouais, voilà, c'est de l'impro. Ah, mais c'est bien. C'est bien. En impro, il fait. Voilà, je fais ça en impro. Ah, bravo. Voilà. Bravo. Okay. Merci, Adrien. Mais si, je me suis régalé. On pourra le faire avec le vrai squeeze. Il adorera, je pense. Oui, bien sûr. Il adorera. C'est vrai qu'on vous a pas pris. J'ai essayé d'en faire un dans ma tête, mais vraiment, ça va pas être fou aussi. En vrai, t'as raison. T'as quand même bien fait. Excuse-moi. C'était quand même bien. On a oublié de vous prévenir comme d'habitude, mais il y a les recommandations culturelles. Je vous ai pas du tout si dit. Vous avez non mais aimé, moi bah, comme je connais le connais Théo il est venu avec des choses dans sa besace déjà ma recommandation effectivement la recommandation culturelle donc c'est quelque chose que vous avez aimé ça peut être dans le domaine du cinéma du théâtre de la littérature de la musique moi Oppenheimer ça va mais je comprends pas les mots quoi il y a 2-3 mots qui auraient pu être simplifiés. Non mais j'ai eu un débat avec un pote sur Oppenheimer qui disait je comprends pas il y a plein d'acteurs connus qui font des fois vous l'avez vu ou des pas mini-scènes, ouais, des mini-scènes j'adore et moi j'ai dit en fait j'aime bien parce que ça te permet de présenter des persos sans, parce que souvent dans les films, ouais, tu mélanges les persos. Là, tu dis oui, bon bah c'est Josh Arnett. Oui, bon ouais, bah c'est machin. Tu vois, t'as pas besoin de savoir qui est qui vraiment, parce que t'as le nom des stars dans ta tête, quoi. Mais mon pote, il disait, bah moi ça me saoule parce que du coup il y a Rami Malek. Tu dis oui, bah il va avoir une importance dans l'histoire vu que c'est un acteur connu. Voilà, un petit débat que j'ai eu avec. Bah moi je trouve ça trop stylé. Moi j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien aussi. C'est, ça fait vraiment caméo, mais pas caméo juste pour placer le gars. Non, ouais, ouais. C'est caméo un rôle qui va très bien. Caméo oui. Olivier. Qui font une série bientôt, qui sort. Non, lequel j'ai joué. Oh, mais qui a été Pamela Rose, la série, grosse fierté, étant donné que. Vous l'étiez hyper. Et bah ouais, puis surtout vraiment naissance de mon humour à partir du film, quoi. C'est gros point commun que j'ai avec Yvick, puisque je pense que c'est la même chose. Vraiment, ouais. À ce moment-là, donc le fait de jouer dedans, c'est quand même une petite boucle de boucler. Ça sent le taureau ici, qui est une phrase que j'ai beaucoup sorti adolescent. Et ça que j'ai beaucoup sorti à CAD aussi pendant le tournage. Et oui, m'avait dit que c'était vraiment une blague qu'ils avaient sur le tournage. Ah et ouais. Qu'ils ont, c'était le défi de la mettre dans le film. Et bah, au final, qui devient une putain de séquence culte, quoi. Ah, et un des meilleurs rôles de Gérard Darmon. Je trouve qu'il est incroyable dans Pamela Rose. Bah, en vrai, tous les gros rôles où il est dans la comédie absurde comme ça, il est toujours fort, quoi. Ouais, mais c'est, en plus, je trouve que c'est un film super généreux pour les. Enfin, c'est le film de KDO, mais Jean-Paul Rouve est trop marrant, ouais, Cadmérade est trop marrant, Gérard Darmon. Celui qui joue le fou aussi. Lionel Abelansky, ouais, bien Abelansky. Sûr, incroyable. Non, c'est vraiment trop marrant comme film. Tu te recos comme ça, voilà, oui. On a balancé comme ça. Adrien Méniel, fou de miel, telle une abeille. Oui. Est-ce que tu as une recommandation? Oui, alors, une petite chaîne YouTube. Régale-nous. Un mec qui s'appelle Nick Robinson. Ok. Et. C'est un gars, je sais pas, il doit avoir la vingtaine, je pense. Il a exactement, si vous imaginez un jeune américain, il a exactement cette apparence-là, le mec. Il a un peu quoi. Il a un énorme sac à dos. Et sur un skate. Il est pas sur un skate. Il écoute du rock. Image du chewing-gum. Ça lui arrive. Image du chewing-gum, non mais il peut. Il se déplace en aigle. Non mais par exemple, c'est le genre de personne qui au lycée portait un Bermuda toute l'année, vous voyez. Ouais. D'accord. C'est un peu ce style de gars. Alors il fait des espèces de petites enquêtes. C'est souvent autour des jeux vidéo, notamment la vidéo par laquelle je l'ai découvert, c'est il fait en fait au Japon il y a plusieurs années McDonald's Japon a sorti un jeu pour la DS, la Nintendo DS, mm-hmm. pour les employés du McDo pour qu'ils s'entraînent à faire les burgers, quoi. D'accord. C'était vraiment un jeu McDo mais qui était uniquement destiné aux employés du McDo. Et du coup ce jeu, c'est une rareté dans le domaine des collectionneurs de jeux vidéo et tout. Personne ne l'a. Ah. Et il y a un collectionneur qui a réussi à l'avoir, mais quand il démarrait le jeu, ça lui demandait un code d'employé qu'il n'avait pas et tout. Donc il y avait une espèce de, chez les collectionneurs, un peu un mystère autour du jeu. Et bon, c'est un peu, c'est un mini spoil du début de la vidéo, mais en gros, lui, ce gars, il a, en fait, c'est un peu une enquête sur comment il a réussi à se procurer le jeu, etc. Il y a et donc, ça paraît pourri. Ça peut d'ailleurs, ça va peut-être pas du tout vous intéresser. Mais il y a un truc assez, il y a un peu un truc mystérieux, ouais, bah ouais. Où il essaie d'un peu enquêter, de choper le jeu, etc. Donc c'est un peu intéressant. Il y a une autre vidéo, alors que moi-même, je m'en branle des Pokémon, je connais pas du tout Pokémon. Mais en gros, c'est un gars qui a contacté donc Nick Robinson en lui disant « Ouais, quand j'étais petit, je jouais à Pokémon sur Game Boy Advance. » Et en fait, il a essayé de gruger en fait en modifiant un de ses Pokémon pour le booster à fond. Et en fait, à l'époque, le jeu, il détectait quand tu grugeais, il te supprimait ton Pokémon. Et le mec disait « Putain, ça fait depuis que je suis enfant que je suis dégoûté parce que j'ai perdu mon Pokémon le plus puissant, machin, okay. etc. » Et en gros, toute la vidéo, c'est... Il essaye de lui restaurer sa sauvegarde d'il y a 15 ans, ah mais oui. en appelant des mecs et tout en visio, des hackers qui disent « Ok, là, je suis dans le code et tout, machin. » Et donc, c'est des trucs comme ça, un peu très, très, un peu geek, un peu autour des jeux vidéo, souvent, pas que, mais souvent autour des jeux vidéo. Et j'ai trouvé ça assez bien raconté, assez intéressant. Donc, c'est marrant. Comment ça s'appelle ? Il s'appelle Nick Robinson. Nick Robinson. Et donc, la vidéo s'appelle « The 10-Year Hunt for the Lost McDonald's DS Game ». Et c'est fou, il y a vraiment jusqu'à la fin, tu vois toute l'évolution du truc. Et je veux dire, il y a, ok, t'as la quête à la fin. Tu vois, t'as toujours une. Tu ne spoil pas, mais j'ai envie quand même de savoir. Ok, ouais, je vais regarder. Ok. Voilà, il y a une autre vidéo aussi où lui, il est fan d'un jeu qui s'appelle, j'ai oublié, mais en gros, un jeu avec un singe qui enfin bon, Donkey Kong. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, après moi je suis un gamer donc je connais un peu les trucs, mais j'ai oublié ça, bon ça me reviendra pas, mais ouais. En gros, il y a une voix off un peu iconique dans le jeu Et en fait, elle est, le mec est crédité nulle part sur la voix off. Et okay. du coup, lui, il fait une enquête pour essayer de retrouver le gars qui a fait la voix off. Incroyable. Alors okay. qu'elle est créditée nulle part, ah, et marrant, tout. Et donc, il a vraiment des petits il mystères. Il appelle des mecs et tout. Il dit ouais, est-ce que c'est vous? Enfin bon, c'est assez intéressant. Ah, trop bien. Trop marrant. Ça, c'est fou. Toi, Théo, petite recommandation. Moi, une petite série là, que je regarde en ce moment. Qui est disponible sur Prime. Okay. Alors je crois qu'il faut. Oh, I Met Your Mother. Il faut prendre le pass runner. Ça s'appelle Game of Thrones. Non, ça s'appelle Winning Time. Ok. Ah, sur le basket. Basket oui, boy. Voilà, je suis un basket boy. Je vous le rappelle. Basket boy. En fait, c'est une série qui s'intéresse à un univers qui, en général, fait un peu chier les basketteurs de notre âge même. C'est sur la dynastie des Lakers. Ok. Donc, comment les Lakers sont passés d'un club un peu pourri, tout le monde s'en fout, à une équipe de légende qui gagne beaucoup de titres et qui arrive même à détrôner l'équipe des Celtics de Boston. Et en fait, la manière dont c'est amené, c'est pas un documentaire. C'est une fiction documentarisée, on va dire, avec des acteurs, etc. Donc, il y a une image qui est assez nouvelle. Quoi. C'est vraiment un truc avec une réalisation actuelle. Ça me fait un peu penser à du Guy Ritchie, des fois. Ouais, ok. Je crois que c'est Adam McKay qui a produit ça, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup ici, parce que c'est le mec qui fait des trucs avec Will Ferrell. Oui, beaucoup, oui, exactement. Qui a fait, oui. Ah, c'est lui qui produit, produit Succession aussi. Je crois qu'il a réalisé le pilote. Ouais, ou c'est ça. Mais il joue le. Non, c'est John C. Reilly qui joue le. Ah oui. Ouais, okay. John C. Reilly, il joue le. Oui, Jerry Buss, quoi. Le mec qui rachète les Lakers. Exactement. C'est ça. Exactement. Et série très intéressante, bien réalisée. Pardon. Tu m'avais demandé la meuf que j'avais rencontrée. Ouais, bah elle est dans. Bah c'est la fille de. J'ai oublié son nom. Ouais, John C. Reilly. Ouais. Dans le donc Jerry Buss dans la série. Dans la série. C'est sa fille. Donc je te demandais. C'est un jour, je m'étais retrouvé à table avec la boss des Los Angeles Lakers. J'étais avec Rudy Gobert. Et elle vient manger. Elle se pose à notre table et elle mange avec nous au moins 30 minutes quoi. Et moi à la fin je fais. Elle est relou, elle venait à notre table alors qu'on était ensemble et tout machin. Il me dit, bah, c'est la boss des Lakers. Bah, en fait, non, elle était pas relou. En fait. Ouais, elle était top. C'était trop intéressant. Très stylée cette série. Même si vous êtes pas basketteur, je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est très dynamique, c'est très cool. Et puis c'est trash un peu quoi. Il y a du sexe, il y a de la drogue. Oh, c'est fou quoi. Non, moi je connais des gens qui aiment pas le basket spécialement et qui kiffent vraiment cette série. Parce que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le truc BlackBerry. C'est l'histoire de comment t'as monté un truc. Exactement. C'est plus sur les coulisses que sur le basket. Oui, c'est en ça. Fait, c'est un peu pas tant sur le basket. Quoi. Exactement. Et puis les acteurs sont sympathiques. Il y a Adrian Brody qui joue dedans. Adrian Brody. Mais il y a même le mec de How I Met Your Mother d'ailleurs. Jason Segel, bien sûr. Pas mal. Mais les coulisses, c'est toujours moi ce qui m'intéresse le plus. Pas pour revenir forcément au GP, mais revenons au GP. Tu vois, moi, par exemple, je suis pas du tout passionné par les courses automobiles. Par contre, sur comment un truc pareil s'organise et tout le côté symbolique. Tu vois, il y a un truc en ce moment, c'est très rigolo. Tous les gens qui ont participé, beaucoup de gens, je sais pas si c'est ce que vous avez fait, mais beaucoup de gens qui ont participé au GP. Ils sortent le vlog, making of, tout ça. Ouais, déjà. Non, mais parle de l'aspect. Internet a fait un truc de ouf. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu presque communautaire, tu vois, de Internet qui. Je trouve que ça dit quelque chose par rapport à une époque où, tu sais, il y a eu une grosse période où Internet était. T'en as fait les frais d'ailleurs, bien sûr, en l'occurrence. Tu sais, qui était invité dans les médias dits plus traditionnels, genre télé, et être considéré comme de la merde. T'as l'impression un peu que c'est une espèce de pas une vengeance, mais il y a un truc de regardez, on peut faire des trucs énormes trucs en tout cas. Le doc de Squeezie qui est en préparation, je vais peut-être pas le spoiler à sa place, mais répond un peu à tout peu ça, ça. Et en parle d'une manière qui je trouve saine, et c'est que c'est pas en mode ah t'as vu Ardisson, hein, ta gueule là. Non, c'est bien fait. Le concept du GP en soi et tu vois, même en plus ça reste fait par les gars d'internet, maîtrisé par les gars d'internet. Le présentateur c'est Dwagby, les mecs qui le sont douag, sur place, Adrien. Le douag, ouais, le douagos, t'as Étoile en reporter, enfin t'as un truc de vraiment. Moi, ma meuf, par exemple, qui est fermée, mais qui connaît pas trop le circuit internet et tout, quand elle est venue, elle dit, mais en fait, vous avez besoin de personne. Ouais. Enfin, si, de Subway, notamment. Énorme marque, beaucoup d'argent. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on aurait imaginé ça à l'époque où on faisait, pour nous, le Zapping Amazing, c'était la finalité de ce que pouvaient faire les youtubeurs sur internet. C'est quand même assez beau. Ouais. Mais tu parles de Subway. Si les gens ils voulaient manger sur place, il y avait que Subway. Non. Il y avait un super food truck de la mama. D'ailleurs, on a tout vendu, donc on était vraiment contents à propos de ça. Et puis surtout, ce qui était stylé, c'est que en fait, pour les festivaliers, enfin pour les participants, je me dis, quand t'es fan de YouTube et tout machin, ça doit être quand même exceptionnel comme événement, parce que t'avais vraiment un village entier avec soit les shops, soit des activités sur place avec les trucs de youtubeurs et tout. C'est l'évolution du concept de, tu sais, de comment on appelle ça, les Video City Paris, voilà, avec des voitures, tu vois. les Video City, ça, c'était une première étape de vas-y, on fait des événements pour les gens qui sont fans de YouTube. Là, c'est vrai que le step, il est vraiment monté haut, et j'étais vraiment monté haut. Mon dieu, embrasse-moi. Moi, ça m'aurait vraiment. Dommage vraiment que je m'en branle à ce point des voitures, parce que ça m'aurait fait kiffer de voir à quoi ça ressemble. Théo et moi, on n'est pas trop dans les sports auto de base. Et non, moi, maintenant. Je comprends quand tu es invité à conduire la voiture, par contre. Ça, moi, ça m'excite, tu vois, c'est pas pareil. Mais je parle vraiment de faire. Ils veulent faire. Non, je veux pas le faire, mais Squeezie, je t'imite vachement bien, t'as remarqué. Si c'est bon pour toi, bien sûr. En vrai, moi, je partais avec plein d'a priori, on avait peur de. Vraiment prendre un risque. Ouais. Et ça prend du temps aussi. Enfin, sauf Théo qui s'est absolument pas entraîné. Mais absolument un mois. Alors, moi, j'ai une question d'ailleurs. Qu'est-ce que vous foutiez avec des ballons de basket? C'était le besoin que les gens se posent cette question. Exactement. C'était en fait parce qu'on s'est dit. Parce que vous êtes les basket boys déjà. Des ballons. On voulait juste être hors sujet. Et comme d'hab, essayer d'être hors circuit. Petite anecdote sur ces ballons là. On s'est dit du coup, on va les faire signer par tout le monde. Donc on se trimballait toute la journée avec nos deux ballons, les faire signer, etc. Et on va les donner à des fans. Et donc quand on fait la parade dans le bus là, il envoie le ballon. Et je vais le voir, je suis encore avec mon ballon et je me dis je vais pas le lancer, ça tombe sur la tête de quelqu'un, ça peut faire mal, etc. Moi j'en vois dans la foule, ça. Ouais, j'en vois dans la foule. Et donc je lui dis mais t'as lancé ton ballon? Il me dit ouais c'est bon et tout. Je dis ok, je vais le faire aussi. J'envoie le ballon. Le ballon tombe vraiment devant un grillage. Ce ballon est perdu. À tout jamais. J'ai aller voir chaque. Oui. Je pense que il y a des mecs qui essayaient de monter par sur le grillage et qui se boitaient et tout machin. Il y a eu deux morts, Théo. Il y a eu deux morts à cause de toi. Ça va, tranquille. Après, mais super événement après, mais. Mais deux morts. Énorme. On voyait bien qu'en termes de sécurité, c'était pas ouf pour le public. La fin où ils disent allez, on va hisser le truc. Tu sais, des gens vont mourir. Pierre Gasly part en F1. Non, mais nous on en a fait avec Adrien des événements par le passé, des trucs de dédicace. Video City Paris, notamment. Moi je l'ai pas fait, moi. Parce que Video City Paris c'était vraiment le salon de l'agriculture, mais à la place des animaux c'est des youtubeurs quoi. C'est une blague que j'avais mis dans le roast, mais qu'on m'a pas fait faire. Attends, j'essaie de vous la faire bien. C'était Cyprien qui devait la faire. C'était à une époque, j'ai participé à Video City Paris. C'était un peu le zoo. À la différence du zoo, c'est qu'il y a des cages pour séparer les enfants des prédateurs. Il y a pas de cage. Ah, je l'ai mal foutu, putain, je l'ai mal vendu. Ah non mais vous l'avez. Elle est très très belle. Et c'est Big Flo qui m'a dit bon, un peu c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais non, moi les Japan Expo, les trucs, à l'époque, c'était rigolo. Après mais... dans le rose, Big Flo n'arrêtait pas de dire oh là là, c'est dur, alors c'est dur. Qu'il mais adorait, c'est le principe. Il adorait, c'est pas imbécile. Mais écoute-moi bien, il adorait tout. Mais c'est oui, pour son image. Oh, je suis gentil. Dur, oh, je suis un peu gentil. Oh, la balle perdue. D'ailleurs, arrêtons de dire balle perdue quand on fait une vanne à quelqu'un volontairement. C'est pas une balle perdue, c'est une balle. Une balle en plein front. Voilà. Disons balle de snipe. Voilà. Oui, on lance l'expression balle de snipe. Headshot. Yvick, toi qui as lancé l'expression claqué au sol. Lance l'expression balle de snipe. Pantouflet, s'il te plaît. Pantouflet. Donnez-moi une expression, je la lance. Balle de snipe. Balle de snipe. Pantouflet. Ok, bah c'est envoyé. Dans ton prochain album, je veux qu'il y ait le mot pantouflet. Je fais rimer avec quoi? Subway. Eh ben, j'ai une seule reco, c'est un film qui s'appelle Tony en famille, réalisé par Nathan Ambrosioni, qui l'a écrit aussi. C'est avec Camille Cotin, c'est l'histoire d'une mère de 5 enfants, je crois. Et elle décide de changer de vie, parce qu'elle a tout. En fait, c'est une ancienne meuf qui a fait la Starac, dites-vous, dans le film. Et depuis, elle galère un peu dans la vie et tout, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, le papa est décédé. Et elle décide de changer de vie, de trouver un autre métier. Voilà. Alors dit comme ça, peut-être ça ne vous donne pas méga envie, mais c'est très drôle, c'est très touchant. Nathan Ambrosini a 24 ans, ce qui rend foudrage parce que c'est vraiment extrêmement maîtrisé, non, c'est vraiment fort. Et moi qui suis fan de gens comme Noah Baumbach ou Richard Linklater, il y a vraiment un truc comme ça. Et d'ailleurs, elle s'appelle Tony, et vraiment, c'est un perso, on dirait vraiment Tony Colette, parce que c'est vraiment ce truc de femme forte, marrante, canchy, et qui fait ce qu'elle peut. La première scène du film. Alors, il y a d'autres scènes super, mais je trouve que c'est aussi la meilleure scène en termes de timing comique, parce qu'il y a aussi 5 ados, et des fois les ados ça joue pas forcément bien. Ce qui n'est un 5 pas... ados pour partir en voyage là. Oui. Oh là là, c'est un ice-pack ces mecs. 5 ados qui jouent tous très très très bien. Et vraiment tout le monde joue bien hein, dans le film, mais bon, c'est. Ah, attends. Oh là. En plus, il a duré celui-là. Toujours dans le. Mais vraiment, si les gens pouvaient voir le sourire sur ses lèvres, la fierté. Bah, sur Acast Plus, on voit le sourire du mec, n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est vachement bien. C'est dans plein de ciné. Moi, je l'ai vu, la salle était pleine et les gens riaient fort. Enfin, c'est pas une. Je pourrais pas vous dire que c'est une grosse comédie parce que tu rigoles pas. Enfin, c'est pas Sentinelle, par exemple. T'as pas des blagues toutes les 10 secondes. Mais t'as vraiment des vrais moments de comédie. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Donc voilà. Redis le titre. Tony en famille, Théo et Eddie, de Nathan Ambrosioni. Voilà, Yvick, ta recommandation. Alors j'ai une recommandation. Outre une alimentation saine qui permet de n'avoir aucun gaz, bien sûr. Attends. Alors attends, avant de culer. C'est la chaîne d'un gars qui s'appelle. Attends que je retrouve bien le nom. Arthur Mossa. Okay. Et il est déjà un peu suivi, mais en fait moi je viens de le découvrir et j'aime bien ses vidéos parce qu'il fait des vraies expériences un peu que tu vois nulle part. Okay. Sa dernière vidéo c'est j'ai pris des champis pendant 30 jours. Wow, expérience. Mais en gros c'est vraiment fait de façon assez pas scientifique, mais où il teste vraiment les effets. Tout est méticuleusement fait. Okay, c'est-à-dire que c'est pas fait juste. C'est un junkie qui arrive et qui teste, qui veut juste se droguer. Tu vois, c'est vraiment sportif. Il est très sportif. Et pour le coup, il est vraiment dans un truc d'hygiène de vie. Il veut avoir la meilleure hygiène de vie possible. Donc il teste en fait tout. Okay. Et de façon très. Comment on pourrait dire ça pédagogue, non, pas du tout bon mot. Oui, enfin, c'est très documenté, quoi. Voilà. C'est pas juste, il se c'est bien défonce. Voilà. Par exemple, une autre vidéo, 300 pompes par mois par jour pendant un mois. Tu vois, genre, il teste les survivre à la pire torture sonore. un taré, quoi. Aussi 150 jours de stoïcisme. Oui. Tu vois, il teste vraiment des trucs assez compliqués, enfin assez longs, que tu te dis qu'est-ce que ça fait. Ouais, t'as envie de cliquer. Là, voilà. T'as envie de cliquer. C'est vrai que j'ai pris du LSD pendant 30 jours. Okay. Non mais je pense qu'il microdose, j'imagine. Ouais. Mais de façon voilà. Sinon, il est juste... il est dead d'ailleurs. Hein, je suis mort. Deux jours il y a poil dans la rue. Oh voilà, Arthur Mossa, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas très Mozzarella. La Mossa de Venise. Ouais. Ouais, vraiment, je regarde ça. C'est du bon format. Enfin, c'est un peu long format, mais ça se regarde vraiment facilement. Il pleut. Voilà. Bah, oh, il pleut! Ça fait pas de mal, je vais te dire. Ouais. Et même l'inverse. Et la planète, elle a soif, mon pote. Ouais. Allez! Et nous aussi, allez! Et bien écoutez, les amis, ça fait 1h30 qu'on parle. Je vous propose qu'on se dirige tout simplement vers la fin de cette émission. Déjà! Ouais, déjà, ouais, ça va une vitesse quand on s'amuse. Déjà! Ça fait beaucoup là, non? Oh non, oui. On sait tous un même qu'on a chacun. Mais de toi, uniquement. De toi, dans le toi. On en a pas, nous. Un même de moi. Absolument aucun même. Ah si, moi j'ai Black Mirror, quoi. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu même. Mais cela dit, je te rappelle que c'est pas toi, c'est une série très connue. Oui, c'est vrai. Alors, la connue d'internet, c'est pas moi. Je peux le dire. Si tu veux. Non, en fait, il y a Netflix a lancé une nouvelle saison de Black Mirror. Oui. Et sur Insta, le CM de Netflix, je ne le connais pas, a mis c'est Black Mirror ou quoi. Ah oui, c'est toi qui dis ça tout le temps. Et Adrien, à une époque, disait tout le temps ça. Pour moi, c'est Black Mirror. Pour moi, à mes yeux, c'est Black Mirror. C'est ça. À mes yeux. Et quelqu'un a dit oh, pas mal la petite référence à Adrien. Et ce qui nous a fait rire, c'est que Netflix s'est senti obligé de dire oui, on les connaît, mais c'est quand même une série connue, quoi. Genre, non, ils ont dit ça, rien à voir avec le Floodcast, c'est juste une blague d'internet. Oui, voilà. Non, c'est. Surtout que Combini a fait un article sur les gens qui disent c'est Black Mirror en citant le Floodcast comme. Donc c'est des amours, Combini. Ouais, Combini, récemment, ils ont fait un article sur les 5 films de la Mostra de Venise. Ils ont mis Vermine. Bah oui, donc le c'est des amours. Oh, bah, c'est mais... des amours. Il faut expliquer que c'est un film que t'as coécrit. C'est vrai que j'en ai jamais parlé. Il y a eu deux annonces dont on n'a jamais parlé. Enfin, peut-être c'est vrai que on pourrait en parler. Alors, on en parle vite fait. Tu réalises pas mon film et ça. C'est. Il est mal à l'aise, t'as vu. Non. Oh, je suis pas mal à l'aise. Alors là. Est-ce que c'est bon pour vous? Vermine est un film d'horreur réalisé par Sébastien Vanitschek, qu'il a écrit avec moi. Et j'étais très touché parce que moi j'écris pas de films d'horreur, on m'appelle beaucoup pour c'est des trop comédies. Stylé, c'est trop et j'étais stylé, trop content parce que je suis un gros fan de films d'horreur. Moi j'ai grandi avec Mad Movies, avec Opération Frisson. J'ai grandi dans l'horreur. Hein. J'ai grandi dans l'horreur. Moi, ma vie était une horreur. De mon père, ouais. De mon père alcoolique. Non, moi ma famille était très aimante. Ma famille était très aimante donc je regardais des films d'horreur pour avoir un petit frisson parce que j'en avais pas. Non mais voilà, j'étais fan de tous ces films là quand j'étais ado. Et donc j'étais trop content qu'on vienne me chercher pour ça. Et donc on a écrit ça. Vermine, c'est l'histoire de Caleb, un jeune qui ramène une araignée venimeuse dans son immeuble. l'araignée se barre. Immeuble de la Tessie. De la cité où c'est vrai que c'est. Ça se passe. Je vous le dis, ça se passe en banlieue. Voilà, je vous le dis. Oh là là, bah, crois-moi, ils font pas de rugby. Ah, les Basket Boys. Bon. Voilà. Est-ce que c'est Bondy pour vous? Non, ça se passe à Noisy le Grand, en l'occurrence. Mais voilà. Et donc voilà. Et donc, mais c'est un film d'horreur, mais c'est aussi un film, je trouve en tout cas, fun. Et il y a effectivement aussi un petit propos politique. Les gens parlent que de ça, mais je vois beaucoup ça écrit. Beaucoup ça. Alors moi je suis ravi parce qu'effectivement on parle de ça, mais c'est d'abord un film fun d'horreur. C'est woke. Non mais je veux dire, c'est pas un film qui parle d'abord. Vous attendez pas un film d'auteur chiant. C'est vraiment. À mon avis c'est ça. Non, c'est vraiment un grand vide. Et ça c'est c'est le travail de Vanicek. Il est très très fort. C'est son premier film. Et bah écoutez, Mostra de Venise. Alors c'était à la Mostra de Venise. Là ça vient de passer. Alors c'est dans le futur pour nous, mais dans le passé pour les auditeurs, à l'Étrange Festival à Paris, et ça fait plein de festoches et ça sort normalement le 27 décembre 2023. Voilà, c'est avec plein de gens super comme Théo Christine, que vous avez vu dans Suprême, il jouait de Joe Star. Et surtout, tout à fait. Hein ? Et surtout ? Ah bah il y a également, alors j'allais faire tout le casting, mais effectivement, il y a Jérôme Niel. Mais c'est, il a fait une photo il y a pas longtemps, il y a un cast assez jeune. Bah oui. C'est ça, ouais, bien sûr. Bah, il y a Finnegan Oldfield, évidemment. Aussi qui a, Sophia Le Saffre, voilà. Qui est super, il y a aussi. Non, il y a beaucoup. Finnegan Oldfield, évidemment. Donc voilà, c'est vachement bien, les acteurs sont super. Je dis que c'est vachement bien, non pas grâce au scénario, mais moi, j'étais ravi de voir ça. Ça tue. Et j'ai trouvé ça mortel, et les premiers retours sont vraiment bons, donc je suis très content. Combini notamment, à en super. L'occurrence, et donc voilà, on était trop content de ça. Magnifique. Vous aimez les films d'horreur en général, vous? Pas du tout, moi. Moi j'adore ça. Pour moi, c'est pour les bébés cadoms. Les... c'est genre, ouh, il y a un esprit. Oui, bon. Bah là, c'est des araignées. Là, c'est un film de monstres. Là, justement, je pense que. Ouais. Après, quand c'est un truc plus réaliste, ça peut plus me. Là, c'est des araignées, c'est pas des. C'est des araignées. Fantômes. Quand c'est des trucs de fantômes et tout, je fais. Surtout, oui, c'est plaisant parce que ça se passe en France. Ça se passe en France. Des cadres qu'on n'a pas l'habitude c'est de ça, voir. C'est quoi. Ça, c'est ça. Et puis, je pense que forêt, ça va me plaire. C'est... Ouais, non, c'est vraiment des décors. Bah, en fait, c'est là qui est super. C'est ça qui est super, c'est que Seb, il vient de Noisy-le-Grand, donc il a utilisé les arènes Picasso. Je sais pas si vous voyez, c'est bien des sûr, trucs qu'on. Graphiquement, c'est sublime. Mais en même temps, bon, la lumière et tout prouve que c'est un peu la merde. Puis c'est fou parce qu'un film d'horreur. Basé sur les araignées, tu as tendance à dire bon, ça va être une araignée géante qui détruit la ville. Non, là on est sur plein le. Non, mais voilà, vous allez voir. Je hais les araignées. Je sais, est-ce que je peux aller le voir ou pas? Bah, en vrai de vrai, oui. Oui, mais tu vas détester. Je déteste vraiment les araignées. Bah, tu vas détester. Ça va t'avoir des trucs. Moi, je peux chier dans mon bain. Moi, je le suis pas du tout. Ah ouais. La honte si tu faisais ça. Qui fait ça? Moi, je suis pas du tout arachnophobe. Okay. Et je l'ai découvert là en projo avec des gens. Et t'es ouais. Xénophobe. Par contre, je suis xénophobe. Pas mal de problèmes. Non, c'est un. T'as peur des phares xénon? Allez. Oui, allez. Allez. Petite blague de voiture, ça, non? Oui, le voiture boy. Je suis pas sorti. Non, mais voilà, donc c'est un film, on aura l'occasion d'en reparler. Je pense qu'on fera une émission aussi où on invitera des gens du cast et tout. Mais voilà, moi, je suis super fier de ce film. Et bravo. Également, ce qui a été annoncé, Feuilleman. Ah oui, Adrien Méniel, Adrien, tu à la Mostra de Venise. Wow. Ouais. Non, oui, je suis sur l'écriture. Magnifique. Je fais partie de l'équipe d'auteurs. On peut citer les autres auteurs. Avec Johan Grombe, Arthur Miller qui nous assiste aussi, et puis McFly, Carlito et Pierre Ninet. Et, Pierre. Voilà, et moi, je ne suis plus dessus parce qu'à une époque, ça avait été annoncé. Ah, t'as abandonné un autre projet. Un autre projet. Tous les projets avec des gens qui pourraient me rapporter énormément d'argent, j'ai fait ciao. C'est ciao. Pour citer le Squeeze, bien sûr. Par contre, t'écris le film de Squeezie. Ouais. Qui s'appelle C'est ciao. Feuilleman sur lequel je travaille. Tout à fait, voilà, j'étais en réunion hier là. Ouais. Voilà, on... Vous en êtes à combien de pages? Ouais. Non, là on vient, de rendre la V2 du traitement. Et là, oui, il faut dire aux gens, ça prend beaucoup de temps. Hein. Là, on parle de choses que vous verrez dans des années, quoi. Même toi, bien il sûr, vit un film. Bien voilà. Sûr. D'ailleurs, là, je vois écrire un film sur ta bibliothèque. Ouais. Tu serais tes auteurs, toi. Non. Bah, en fait, tout ça, c'est pour montrer que j'écris des trucs. Ouais, est-ce que d'ailleurs, les livres qui sont en bas dans l'entrée, c'est à toi? Bien sûr. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis dit vraiment, c'est l'immeuble des gens intelligents. Après, il y a quand même pas mal de trucs de Harry Potter aussi. Contrebalancer. Vraiment des gros trucs de bébé cadom quand même. Il y a également tous les Astérix. Enfin voilà, on reste quand même. Donc ouais, Yvick, toi, tu travailles en ce moment sur un long métrage. Ouais. Voilà, effectivement. Exactement. Bah, je vois ce que c'est. Du coup, l'écriture et c'est vrai que c'est vraiment trop cool quand tu fais ça déjà en plus avec des gens que tu kiffes et que ça se passe bien. Maintenant, quand t'as Amazon derrière, des producteurs, ah c'est Amazon aussi de retour. Ouais. C'est toujours des fois tu peux passer du temps sur voilà des une V1 et vraiment t'y attacher, de dire ah en fait faut vraiment remanier le truc pour que ce soit comment dire, plus digérable, ouais. digérable pour digest, le public, parce que digest, parce que c'est ça qu'on a envoyé beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'Amazon après, il te rappelle que bon bah en fait, tu peux pas envoyer autant de vannes que dans une vidéo YouTube, c'est plus long, ouais. faut que ton personnage ait... Et donc c'est trop intéressant, j'apprends vraiment tous les jours tout ce que toi tu sais depuis 15 ans. Non, bah tu rigoles. Que moi j'apprends également tous les jours, c'est des trucs de. Et puis nous je trouve qu'on est une génération vu qu'on non, a. Non. Non, déjà. C'est vrai. J'ai envie de siffler, putain, je sais pas ce qui m'arrive. Ah, génération, non, ouais, c'est ça. Et où ça va vite, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a l'idée et où la ça... La génération MrBeast. Entre le moment où... génération. Entre le moment où on a l'idée et le moment où ça sort, que ce soit de la musique, du des vidéos, des choses comme ça, ça va très vite, du podcast. Et c'est vrai que le cinéma, ce qui change, c'est que ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Et, ouais. du coup, et les gens sont là en mode... ils vont me dire ah tu écris un film ça sort quand ouais bah déjà il faudrait le tourner ouais c'est ouais, ça ça ce prend, qui prend déjà beaucoup de temps et le monter donc toi t'as fini alors déjà j'ai vu que t'avais fini le montage bah, c'est aussi pour cette raison que j'ai quitté tous ces superbes projets que ce soit celui d'Ivic ou celui de Feynman c'est que moi j'avais après, mon il est film. Pas tourné donc oui. tu pourrais très bien le réaliser non mais parce que, oui mais j'ai pas fini c'est ça que je veux te dire c'est que on aura fini d'ici là. Moi j'ai fait mon long-métrage et que entre je l'ai écrit tout seul et je l'ai réalisé bien sûr. Et du coup ça prend un temps infini et effectivement t'es obligé de faire des choix bien malheureux parce que vraiment autant vous dire que ce que j'ai lu du film d'Ivic je pense que les gens vont être très contents et de ce que j'ai lu de Feynman aussi tout ça pour dire que ouais moi je suis en montage et que ça se passe trop bien et que je suis trop content et que normalement ça sort première moitié de 2024 moi je sais pas exactement dans quand longtemps, dans longtemps bah pas tant longtemps que ça ça va arriver vite pour moi oui parce que je tourne peu j'ai envie que ça sorte oui bah oui Adrien joue dedans bah oui Adrien ah, oui, trop bien voilà donc t'es content. J'ai bien. T'es en train de dégueuler, Yvick. Tu vois, attention. Non, l'épée, ok, mais dégueuler, c'est trop. Non, t'es content de. C'est trop tôt pour le moment. C'est trop tôt. Je l'ai beaucoup montré à des gens et les retours me plaisent. Voilà, je dirais trop ça. Bien. Donc, je vais pas te dire. Mais il y a pas le son du coup. C'est que. Il y a zéro son. C'est que des mais gens. C'est bien, hein, mais c'est un court métrage ou alors est-ce que c'est long pour vous Oui. Magnifique. Théo, très belle. Oui, Théo, il y a de la musique pour toi. Bien sûr, il y a un album. L'album s'appelle Passionnément. Passionnément, pardon. Le plan est un titre qui fait partie, que j'ai sorti juste avant l'été, donc qui fait partie de l'album Passionnément. L'album sort, je sais pas quand sort. Je crois qu'il vient de sortir, puisqu'il sort. Il sort quand? Le 15 septembre. Il vient de sortir pour les gens. Il vient de sortir. Allez l'écouter tout de suite. En fait. Pourquoi tu crois qu'on t'invite? Qui voilà, t'invite? Voilà, qui t'invite à la télé? Je l'ai lu. Le bouquin. Non, très très content de sortir ça. Bien sûr. Comme tu disais, c'est un truc. Enfin, la musique, ça peut aller vite pour le coup. Et c'est un truc qu'on a réfléchi avec mon pote Tigri, qui est le producteur avec qui j'ai bossé cet album. Et qui est un album où on a voulu un petit peu mettre des sonorités un peu disco, funky, années 70, etc. Tout en gardant bien sûr une patte actuelle et des sonorités actuelles. Mais donc on est très content du taf qu'on a fait. Les gens peuvent aller streamer ça, j'ai l'impression. Streamer ça très fort. Spotify, tout ça. Streamer ça. C'est partout. C'est un petit peu plus ouvert que ce que j'ai pu faire avant. Ouais. Et Tigri. Belle évolution. Tigri est un excellent musicien. C'est vraiment pas un beatmaker, c'est un mec qui a fait. Qui a fait des études musicologie, etc. Donc puis qui joue de la musique. Et justement, quand je lui en ai parlé en janvier, février à peu près, de faire ce projet, il m'a dit « Ah, mais moi, c'est la musique que je kiffe faire, donc let's go, allons-y. » quoi. Et ça puis même, à l'époque, aujourd'hui, le rap perd un peu de souffle, j'ai l'impression. Il y a un peu un truc de redondance. Et les auditeurs rap commencent un peu en avoir marre du non-renouveau. Toujours la même chose, quoi. D'une période qui n'est pas fofolle, et je trouve que prendre ce pari-là et faire sortir un peu des cadres, des standards qu'on écoute en ce moment, de ce qu'il y a, je trouve ça cool, et moi, pour avoir écouté, c'est vraiment bien. L'intention de faire ce projet vient aussi de ce marre, je mets des guillemets quand même, mais de ce marre de cette redondance qu'il y a dans le rap, et de justement, vas-y, j'ai envie de faire un peu autre chose. Tu vois. Trop bien. Je pense que les gens vont kiffer, et vraiment streamer ça, c'est vraiment très bien. Streamer ça, lourd. Parce que c'est mon coéquipier d'écurie et mon meilleur pote. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment très bien. Et embrasse-moi en fait. Bah, franchement, baiser devant nos yeux et on se rembourse. Et voilà, on se touche, voilà. Ce sera la fin. quelle meilleure fin. Non, je voulais te poser juste vite fait aussi avant de terminer. Je voulais savoir, Yvick, toi, donc là c'est surtout le cinéma. Ouais. Est-ce que la musique, c'est quelque chose. La musique toujours, et justement. Parce qu'il y a toujours. J'ai l'impression qu'il y a ce truc que t'as pas pu faire à cause du Covid. C'est la tournée. Même, qui est toujours un peu bien en sûr, toi bien que sûr, envie et, faire. Et surtout que l'année prochaine à cause des JO on va être un peu baisé pour les concerts. D'accord. Parce qu'ils vont bien monopoliser tous les trucs de sécurité, pompiers, machin, tout ça. Donc les concerts vont être un peu tout le planning et le calendrier des festivals va être un peu embourbé, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr. Ah oui, j'en profite pour dire que je vais faire des concerts dans toute la France. Ah, trop bien. En novembre et décembre. Trop bien. Oui, prenez vos plats. Juste comme ça. Non, mais t'as raison de le dire. T'as raison de le dire. Je le faisais pas. Je suis un bien mauvais animateur. Non, pas du tout. Et non, c'est toujours en prévision. Maintenant, je suis plus intéressé par peut-être faire un entre-projet, un truc de 5-6 titres, okay. Juste pour histoire de donner un peu. Très bonne idée. À manger aux gens, parce qu'en fait. Là, j'ai pas le temps de faire un album entier. En vrai, le film, j'ai pas le temps. Et ce serait un peu vouloir toucher à tout et pas tout bien faire que de faire un projet de 15 titres là, tu vois. Donc, on commence à réfléchir avec mes équipes. Pas vrai, c'est que moi. J'adore les gens qui disent ça. Alors, comment c'est que eux tout seuls dans leur lit. La Ivy Corp, hein. Bah, bien sûr. Ouais. Bah, non, tu as vu le building. Bah, je l'ai vu. J'avais pas de badge, mais je l'ai vu de l'extérieur. et donc voilà, c'est un projet en tout cas, et j'aimerais, pourquoi pas réfléchir à faire un truc entre deux pour peut-être la fin de l'année. Et il y aura le mot pantouflet dedans. Et évidemment, il s'appelle pantouflet. Il s'appelle pantouflex. Et peut-être, mais je sais pas si. Non, je vais pas, je vous le dirai en off. Non, mais parce qu'en fait, j'ai envie de faire un truc qui soit une à surprise. À plus, si vous voulez. Oula, Adrien. Je l'ai lu. Ouais. Je vous dirai, je pense que ça vous, l'idée peut vous faire marrer. Ah bah, trop allez, bien. On va se marrer hors antenne. C'est pas que je veux te jeter des fleurs, c'est le moment un peu Truffaut, Jardiland de l'émission. Mais moi, je suis toujours très impressionné de tout ce que tu arrives à faire, Yvick, et avec autant de travail. T'es vraiment un énorme bosseur et je pense que tu mérites beaucoup ton succès. Bah, merci. Je te remercie. Son film alors. Hein? Son film alors. Tu rigoles. C'est vraiment répondre ça. Mais c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas le faire, c'est que moi, je ne pouvais pas m'y consacrer à 100% et je ne me serais jamais pardonné de pas me consacrer à 100% à un projet d'Yvick parce qu'il mérite. Que ce soit vraiment bien fait, et donc voilà. Bah, c'est honnête. Du coup, on a pris Fabio Antoniente. Très bon choix. Bah, de toute façon, c'est la famille. Ça s'est tellement bien passé par le passé que. Je lâche plus. Bon, et bah, quelle meilleure façon de terminer l'émission. Bon, merci Théo, merci Yves. Merci à vous, les gars. Adrien. Une nouvelle année, c'est reparti, un plaisir. Saison. Let's go. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis à la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour Il s'agissait du flow de cast. Pardon.